Y a quelqu'un ? Jonas ? Oui, oui, ça fait combien de temps qu'on est là ? Je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. T'as pas tenu un journal ? Si. J'entends une voix. Hey, c'est toi ? Ouais, j'avais laissé des câbles traîner. Bah mais la lumière est éteinte depuis un an. Oh, putain. Merde ! J'ai frappé sur quoi ? Merde. Didier, elle a pas survécu. Non. Elle va me manquer, bordel. Elle avait bien dit, on est d'accord, qu'elle soit plus là, c'est moi qui récupère sa chambre. Exact. Ok, d'accord. Mais elle est chez moi, sa chambre. Ah merde. Sa chambre dans toujours. La cave ou... Parce qu'elle en avait une autre. Parce qu'on est dans la cave, là, depuis le début. Mais c'est pour ça qu'on est dans le noir. Mais c'est comme le film avec le vieux qui éteint la lumière, là. C'est pour ça qu'on était dans le Lot-et-Garonne. Ah. Bah du coup, on va remonter. Du coup, hey, prépare-toi à enlever les faits. Allez, c'est parti. Didi, t'es en haut ? Didi ? Non. On va de la lumière. Ouais, allez, on ressort. Allez, on y va. Mais fais-nous ressortir. J'ai envie de rester ici. Ce monde est trop cruel pour moi. La lumière. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai loupé sur Netflix depuis ? Un an. Merci de nous avoir attendus. En fait, je vous dis quoi ? J'avais dire, je vous dis ce qu'il en est, quoi. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. Waka teki okuro! C'est quoi ce bordel? Galaxy Kalokune! Put that cookie down! Now! Ok, les patchons, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! Vous m'appelez, vous me dites quoi? La connerie que j'ai bien arrivé, non? La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Bonjour à tous! Good morning Vietnam! Good morning Kabylie! J'aurais dû réviser là, ça Et oui, ça fait bientôt, ça fait un an qu'on s'est plus écouté ensemble, ouais, on s'est plus écouté. Beaucoup de choses ont changé en un an. Bilka, t'es devenu gynécologue, c'est ça? Oui, j'ai perdu 80% de ma surface capillaire sur les cheveux. Ah, par contre, ça c'est vrai. Hey, toi, t'es devenu employé du mois à Rupture Farm. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Belle promotion. Eh oui. Julia, elle a pas bougé de sa table d'animation, c'est ça? Non, j'ai d'ailleurs pas bougé du micro non plus. Elle est toujours là. Si vous pouvez vous calmer, j'essaie de faire des rendus là. Tout d'accord. Suite. Voilà, elle est des escarres. Et Didi, elle squatte toujours chez moi. Toujours là. Toujours à vider le frigo, encore une fois. Alors qu'elle pèse 3 kilos. C'est un trou noir, on ne sait pas. Voilà, la physique. La théorie du trou noir, vous savez, ça retombe dans un estomac d'un américain. Pour certains, c'était un an, pour d'autres. Moi, par exemple, je suis mariée, j'ai des petits-enfants. Des petits-enfants. Tu vois, c'est. Voilà. Ah oui, d'accord, on a fait Interstellar. Elle s'est trop approchée de Gargantua. Et on va passer au sommaire. On va parler de quoi d'abord ? De nos brawls, de notre petit tour de table habituel des brawls. Et oui, oui. Et ensuite, on parle de la bande dessinée. Le roi. Bref, merci d'être avec moi. Et on finira par parler des Ghibli en général. Voilà, avec pour finir un petit quiz des familles. Mais. Oui, vas-y, Bilka. Un quiz ? Ah, je ne savais pas. Oh non, je ne suis pas du tout président de l'association des quiz de France. Alors, est-ce que ce sera comme l'autre fois, c'est-à-dire où on me restreint, hein ? J'ai pas le droit de répondre parce que mon intellect doit se frotter à la médiocrité de chacun. Putain, je ne sais plus parler. Clairement, je suis vénère, je ne sais plus parler. Non, je pense qu'on va faire une team connaisseur, une team non connaisseur. Une team Bilka, aucun intérêt. Contre le reste du monde, ça me convient très bien. Et je pense qu'on va faire même. C'était ton intelligence qui allume la lumière. J'ai une belle lampe au milieu qui nous illumine, qui nous aveugle d'ampoule. Non, mais c'est bien, je vois moins Bilka du coup. Allumé. C'est gentil. Mais justement, on va faire comme ça un affrontement Bilka-Jules. Pourquoi ? Julia. Et oui, ce sera le quiz. Parce que toi, t'es animatrice. C'est normal que tu connaisses un peu les Ghibli. Animatrice. Oui, je fais des colos et tout. Et du coup, on verra ensemble. Et tout de suite, on passe au brawl. Allez, on dédiscore. Disco, disco, stu, salut. Le troll, c'est ce que les Français appellent du bordel. Chez nous, c'est du bon, tout simplement. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Et dis-moi, Lou. Le premier scientifique de la République, oui, merci, monsieur. Eh oui. En fait, d'abord, on va parler d'un sujet qui touche à la Matrix. Allô, Abe. De quoi vas-tu nous parler? Alors, c'est un objet technologique qui vient de sortir. Cet objet existe depuis les années 1675. Mais le God Miché. Et c'est la première fois, aujourd'hui, une technologie avec cet objet. Attends, il y a Keanu Reeves qui parle. Ouais, moi, je suis fasciné par Abe parce que vous pouvez pas le voir, mais il me regarde des yeux. Attention. Il aspire mon âme, là. Lâchez vos mains. Alors, c'est un objet qu'on utilise quotidiennement. Une fourchette. Depuis 1675, à peu près. On est en train d'entrer dans la Matrix. Ouais. Attends, quelle année, tu dis? 1675, à peu près. Et qu'on utilise tous les jours? C'est pas des ustensiles, ça existe depuis toujours. Est-ce que c'est comment? C'est pour prendre soin de soi? Non. C'est pas pour prendre soin de soi. Est-ce que c'est dans une pièce de la maison? J'ai l'impression qu'on est en train de jouer à une famille en or, là. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un vêtement que je porte? Ouais. C'est les chaussures? Non. C'est Je sais. T-shirt. Ce sont des chaussures qui se lassent toutes seules. Non. Ça existe déjà. Ah. Attends, 1600 mes couilles. Pardon. C'est un mécanisme à la base. C'est quelque chose qu'on porte sur nous. Fermeture éclair. Un mécanisme inventé il y a un bouton. Non. Non, pas des lunettes. C'est plus vieux que ça. Non, c'est même proche, je dirais. Ah, j'en sais rien. Je donne ma langue. Un mécanisme qu'on porte sur soi. Ah, mon pacemaker. Et une montre. Ah, la montre. Tout ça pour ça. Est-ce que je peux échapper au quiz du coup? Alors, ils l'ont appelé la montre Matrix, d'où le thème. Ah oh. Alors en fait, c'est une montre qui se recharge par le soleil. Et le truc qui fait d'elle la particularité, c'est qu'elle se recharge par le soleil avec la température du corps, par thermique. Ah ouais, ouais, ah, c'est bien la pour matrice. Les gens comme moi qui ne sortent pas du tout. Comme la matrice, ouais. Pas de elle est entièrement autonome. Elle pas tous en même temps. On la recharge jamais. Et quand on a un problème de circulation sanguine, tu vois, genre moi j'ai froid, j'ai tout le temps froid. Les vampires, ça marche, alors ouais, ça marche comment pour eux Je sais pas. En tout cas, il y a le solaire déjà. Mais tu le mets à tes pieds et ça marche. Non, ça marche pas, moi. C'est un mystère de la science, je vous jure, cette fille elle doit peser 30 kilos. Elle est froide comme les White Walkers et elle bouffe comme moi, Bika, 120 kilos, 1m80. Putain, c'est un mystère de la science, cette fille. C'est assez impressionnant. Mais du coup, c'est fou. Bah, oui, vous avez vu le gros blanc. Oui, mais attends, du coup, cette montre, sans le soleil, juste avec la chaleur corporelle, elle se recharge. Ok, d'accord. Avec le thermique, en fait. D'accord. C'est la première fois que c'est attention, c'est est-ce que les beaufs sont prêts pour cette blague? Du coup, si c'est une chaudasse qui l'apporte, du coup, elle est radioactive, non? Ou les chauds lapins, tout simplement. Hein. Non, par contre, moi, j'ai une question. C'est, elle est déjà en vente? Ouais. Ok. Et tu sais l'échelle de prix Ça commence à 200 euros, je crois. T'as des modèles qui vont jusqu'à 2-3 000. Aïe, j'ai mal. Ah, mais d'accord. J'ai mal. En vrai, ça reste le prix d'une montre belle gamme, tout ça. Hein. Mais c'est une grosse multinationale qui l'a développée, je sais plus. Personnellement, moi, je trouve ça un achat plus que ridicule, une montre. Voilà, merci. Ouais, mais de nos jours, on dit la baisse du pouvoir d'achat, la crise et tout, mais pour les trucs comme ça, les gens achèteront toujours. Parce que la nature humaine est conne. On enchaîne sur le cette belle note, on commence 2019. Bonne année. Bika est un anarchiste et un misanthrope. Bonne année. Ouais, mais en même temps, vu la date à laquelle on va publier ce podcast, ce sera en 2020. Mars. Non, ça sera vite, ça sera rapide. Et vous nous avez attendu un an, vous allez encore nous attendre un an. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, on a vraiment un objet qui est durable dans le temps, c'est-à-dire qui consomme pas d'énergie. Il est autonome, en fait. Surtout dans le monde dans lequel on vit actuel, de l'obsolescence programmée, etc. C'est intéressant quand même. Mais du coup, imaginez si les téléphones deviennent comme ça, ça peut être. Mais ouais, je pense que le truc ne sera pas éternel. Je pense que, comme tu parlais d'obsolescence programmée, je pense que même si énergétiquement, voilà, ça peut être autonome, je pense que les composants qui. Ouais, c'est sûr. Obligé. Parce qu'il pourrait faire ça, il pourrait faire le téléphone qui se recharge parce qu'il est dans ta poche, t'as la chaleur, mais si c'est un iPhone, tu lui dis au revoir dans 2 ans. Hein. Mais du coup, on va passer à toi, Julien. Ouais. Oui. Et tu vas nous parler de ça. Les émotions. Ah, je pensais pas que t'allais mettre ça. Je pensais que t'allais faire un thème plus enjoué. C'est Interstellar la musique ? Non. Salut, madame Potts. Salut, madame Potts. Infinity War 2. Coupe-moi ça. J'ai quelque chose dans la gorge. Non, mais ouais, pour moi. C'est mon petit péché mignon. Hein. J'aime bien plein de genres de films, mais les films Marvel, ça me suit depuis 10 ans et depuis que ça a commencé, la vraie phase. 11 ans maintenant. Ouais, bah oui, maintenant, là, c'est la nouvelle, Iron c'est Man, nouvelle année. Iron donc, Man 1, le premier 2008. Donc là, ça commence. Et ouais, enfin moi, ça me fait un petit quelque chose. Même si ça va continuer par la suite, hein, quand même. Hein, bon, hein, ils vont pas lâcher la poule aux œufs d'or. Mais moi, Marvel, j'en ai vraiment marre. J'en peux plus. Je suis allé voir Infinity War 1. En fait, je trouve ça dommage de... En fait, ça apprend. On va faire une émission là-dessus parce que si je m'explique, ça durera 3 heures. Mais tout simplement, non. Je suis la première personne qui pourra critiquer avec toi les films sur plein d'aspects. Je sors et généralement, je les défonce. Mais j'ai dit, c'est mon péché mignon. C'est genre, je pense que je sais pas, c'est le côté quand j'étais ado que je questionnais moins ça. Bah, je suis. Que je me questionnais. que je me questionnais moi plutôt que le reste du monde. Mais ouais, enfin voilà, je suis un peu rattachée à ça. Et ouais, Tony Stark, c'est un personnage que j'adore. Tous ces personnages-là, ça, clairement, ouais, enfin, il n'y a pas de doute. Enfin, ils arrivent en fin de contrat, les gars. Probablement qu'ils feront des caméos à la con de temps en temps. Genre, salut, je suis revenue parce que c'est un flashback ou des trucs. Mais bon, voilà, on leur dit au revoir. Mais ça peut laisser place aussi à des nouveaux persos et des films de meilleure qualité, peut-être. Après, ça reste Disney, hein, on en a parlé ensemble sur le côté, Avant de commencer cette émission, on a fini une nous-mêmes. On a parlé de ça pendant 1h30, 2h. Et... Jamais les prises de risque ne viendront jamais d'eux. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est que ce que je trouve dommage, c'est que Marvel et Disney en général, mais surtout Marvel, ils en ont rien à foutre du produit qu'ils délivrent. C'est une machine à fric. C'est-à-dire que voilà, ils vont mettre des réalisateurs de confiance ou alors des jeunes réalisateurs pour faire un projet. Très très limité dans le temps, voilà, il nous le faut pour l'année prochaine, on va le sortir l'année prochaine, on va te donner pas beaucoup de blé, mais de notre côté on veut rafler beaucoup de blé, contrairement à... c'était rapide, hein. je vais citer un manga qui s'appelle My Hero Academia, celui dont tout le monde parle en ce moment. Parce que moi j'en ai marre des trucs de super-héros, c'est saturé, ça me reste dans le coin de la gorge, j'ai envie de gerber, mais j'ai vu ce manga, je l'ai lu, mais c'est incroyable, c'est magnifique, parce que ça, franchement, n'importe quel épisode de ce manga éclate n'importe quel film Marvel, et je défie quelqu'un de me citer un exemple contraire, et j'ai les arguments pour One Punch Man. En fait, c'est un troll, ce mec. C'est pas un héros dans le sens classique du terme, parce qu'il arrive un coup de poing, au revoir. Mais ce que justement, par rapport à Marvel, tu vois, je peux faire des mauvais points sur eux. Largement, je peux en faire plein. Mais le problème que ça a fait aussi, c'est que ça a créé un genre. Alors que les super-héros, c'est devenu un genre. Alors que non, c'est juste une narrative. C'est juste un sujet. Et t'as d'autres films qui datent de... Surtout qui date d'avant Marvel, qui pouvait toucher des super-héros, mais être un thriller, d'être plein de... Comment c'est héroïque quand tu dis ça avec cette musique. Ouais, j'adore. Merci Daniel. Tu penses que je devrais vivre ma vie comme ça, avec la musique? Le mec qui est sans la vie dans sa tête, tu sais. Alors, non, pas de blague, mais mon réveil, c'est le thème des Avengers, genre vraiment le thème de genre, quand les Avengers débarquent, c'est comme ça, putain, la classe, mon réveil, c'est... Parce que je me lève et je suis là, putain, Nick Fury a besoin de moi. Moi, j'imagine trop en pyjama... T'es en pyjama, t'es là, ok, on s'assemble. Et avec ton chat qui fait, ta gueule. On s'assemble, on se rassemble plutôt. Ouais. On s'assemble, ouais, c'est autre chose. Dans le questionnement à l'adolescence, c'est autre chose. Ah, tout de suite. Mais au final, Au final, est-ce que Jonas, par exemple, n'est pas un peu notre Nick Fury à nous ? Il nous a rassemblés. D'accord, mais je suis votre Thor, les gars. Je suis le dieu, voilà, c'est moi. J'avais demandé, mais Thor était... Tu dis c'est à cause de mon strabisme. Oui, parce c'est comme si j'étais borne. Vous ne le savez pas, mais oui, Jonas cache son strabisme avec un œil de pirate. Donc, voilà, un œil de pirate. Enfin, un bandeau de pirate, c'est la même merde. Il a un troisième œil, c'est vraiment perturbant. Là, j'ai un œil de pirate dessiné, là. C'est toujours ouvert. Mais c'est pas le bandeau que là, c'est l'occlusion que tu fais quand t'es petit. C'est ça. Didi, est-ce que tu veux enchaîner avec ton rôle de... du mois? Elle se rapproche doucement du micro. Va-t-elle parler? Bonjour, va-t-elle dire quelque chose? Didi, vous êtes de vidéo ASMR. MSR ou SMR? ASMR. C'est la même merde. En conclusion. Un brawl, ouais. Genre, laisse-moi réfléchir, je suis venue préparer comme d'habitude, oui. Je connais tout à fait le sujet, j'ai fait mes recherches. Oui, dis-moi. Mais déjà, merci pour ces mots. Voilà, non, mais vous allez le faire ensemble, de toute manière, on le sait. Bilka et toi, vous allez nous parler de Game of Trône. Ben bien sûr, bien évidemment. Enfin, je sais pas, mais c'est je spécule en disant ça, mais je pense que c'est la série la plus attendue de l'année, déjà c'est sûr, mais de tous les temps. C'est Game of Thrones, c'est une série qui a une audience internationale mais incroyable. C'est franchement, à ma connaissance, c'est la seule série où quand un épisode sort au niveau international, il sort simultanément dans toutes les langues auxquelles il est soumis. Par exemple, quand il sort les saisons 6 et 7, quand les épisodes sortaient aux States, nous on les avait 24 heures après sur OCS en français, déjà traduit, ouais, déjà prête. Ça paraît impressionnant, mais je rappelle juste que c'est le principe de Netflix. Hein. Non, c'est pas Netflix, c'est OCS. Non, mais je comment sais. T'as clashé. Mais je veux dire... Non, mais avant que Netflix c'était arrive, impressionnant. Hein, je suis... Oui, il y a 15 ans quand la série a commencé. Non, il y a 8 ans. T'as la TNT, Bilka? Mais je vous emmerde, hein, bande de petits cons. J'ai découvert un truc l'autre jour. Internet. Mais non, mais ça, les épisodes sur Netflix, c'est pas partout pareil. Je sais. C'est-à-dire que Game of Thrones, ça l'est. Ok. Et entre parenthèses, je suis anti-Netflix. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Hein, c'est l'intermittent. Didi, toi, qu'est-ce que t'en penses de Game of Thrones? Alors moi, je m'étais arrêtée à la saison 2. Ah d'accord, tu dis merde. En fait, moi j'attendais que la série se finalise vraiment, qu'il y ait tous les épisodes de bah vas-y, commence maintenant. Hein. Mais non, j'attends qu'ils sortent le dernier épisode et là je m'y remettrai quand il n'y a plus cette hype et que tout le monde essaye de spoiler et tout. Tu vois, j'aurais oublié. J'aurais vraiment oublié. Et mais c'est vrai que Game of Thrones, c'est inconsciemment, t'es contraint de la regarder parce que tu vas sur Facebook parle, ou genre, quoi, c'est partout. Tu sais, vois je connais des événements qui sont passés qui parlent de ça. Alors que j'ai même pas regardé la saison 4 et la saison 5. Mmh. Ouais, moi non plus. Mais moi aussi, pardon. Mais donc, non, j'avais pas poursuivi assidûment cette série. Mmh. J'attendais juste que les scénaristes de la série fassent leur fin à eux, et ensuite j'aimerais bien la comparer par contre avec celle de l'écrivain s'il l'a fait un jour. Je dois avouer que pour l'instant il est un peu mal barré. Je préfère le livre pour l'instant en termes d'ambiance et ça te met dedans parce que je parle en tout cas pour les premières saisons puisque j'en suis là où finalement la série est plus terre à terre au début parce que je pense qu'elle manquait peut-être de moyens. Elle manquait de moyens et aussi clairement, la série commence vraiment à la saison 2. Toute la saison 1, c'est vraiment pour présenter les personnages, les lieux, les enjeux et les liens entre chacun entre tout ça. Vraiment, la série commence dernier épisode de la saison 1. Mais tu parlais, genre, c'est sur Facebook, c'est partout et tout. C'est partout, mais, Instagram, c'est Snapchat, je sais pas quoi. Mais moi, ça me fascine, justement. Surtout ces compilations de réactions de personnes... après la mort d'un de leurs personnages favoris et tout. Ouais, parce que les gens sont vraiment concernés par cette série. Il y a autant de personnages dans cette série que d'archétypes de personnes qui peuvent exister dans la vraie vie. Forcément, on a tous un ou plusieurs petits préférés. On s'identifie. Ils sont toujours pas compris, hein. Genre, arrêtez de vous attacher. Ils vont tous crever. Tu vois, ouais, franchement. Oui, mais c'est pour ça que quand il y a un personnage qui meurt, mais putain, mais en direct, t'as une tante que t'as vue trois fois dans ta vie qui meurt. Parce que putain, mais t'es tellement attaché à elle. Tu la connais mets dans tous ses états, aussi bien dans le malheur que dans le bonheur, tu te dis merde, mais cette meuf, elle a souffert toute sa vie, elle est morte comme une chienne. En même temps, genre, finis la souffrance, quoi. Il y en a plusieurs personnages, tu vas dire crève tout de suite, parce que franchement. Pauvre de toi, quoi. Oui, oui, c'est pour ça, quand il y a des personnages détestables qui meurent, il y a des internautes, ils se filment en train de regarder un épisode, et du coup, tu vois leur réaction. Et ben voilà, quand il y a des personnages détestables qui meurent, les gars, ils sont là, mais on dirait. On dirait un juif qui vient de voir la mort d'Hitler, quoi. C'est la même chose, quoi. Pour un Godwin atteint en 10 minutes, bravo. C'est bon, merde, on peut plus rien dire. Excusez-moi, il y a ma carte du FN qui dépasse dans ma poche. Ça coince un peu là. Vous parlez spoil, mais. Je me sens étroit dans ma robe blanche. J'ai pas cité quelqu'un, j'ai dit un personnage détestable. J'ai cité personne. Mais je veux dire, vous parlez spoil hein, sur internet, etc. Bon, on va m'appeler. On va appeler à l'hérésie. Mais moi, j'ai commencé en vrai. Enfin, j'ai vu peut-être genre un petit peu des premières. Et après, j'ai sauté genre à 4 ou un truc comme ça. Parce que j'arrivais pas à suivre, j'étais à l'internat, etc. Et je pouvais voir ça les week-ends quand mon père regardait mon frère. Mais j'ai pas senti de problème parce que j'étais tellement au courant sans être au courant Tout le monde en parle. Ok, il me manque les subtilités des fans où tu vas être là, genre, oh regarde, il y a le truc de clin d'œil de machin, c'est le perso qui était dans tête. Mais après, au final, j'apprécie même sans savoir parce que je vois bien qu'il y a une connexion qui garde. Je me rappelle, il y a 3 ans, parce que ça remonte à tellement longtemps hein, que je travaillais, le chômage. Non, mais je veux dire, l'épisode sortait dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, forcément, t'arrives lundi au boulot, il y en a quelques-uns qui l'ont vu. Qui commence à parler, mais moi lundi je parlais à personne. Ah, il me disait salut Bilka, ça va, mais parle pas. Tu viens prendre un café avec nous, ta gueule. me parle pas. Je finissais ma journée, je rentrais chez moi, je faisais mes ablutions, parce que pour voir Game of Thrones il faut que je sois sain de corps et d'esprit pur. Je me lave, je fais mes ablutions, je me prends une petite boîte de ramen instantané et tac, je regarde l'épisode de Game of Thrones et je savoure ma vie. Si tu veux une petite astuce, pour ceux qui connaissent How I Met Your Mother, pour éviter les spoils, Ted, il avait inventé une machine, genre... Ah oui. Tu vois, genre... avec des œillères. Alors, tu vois pas sur les côtés, il te met des juste espèces un trou, de... Tu vois flou, c'est des lunettes un peu floues, et en plus, t'as le casque qui te rend sourd, et en fait, comme ça, tu passes toute ta journée comme ça, jusqu'à ce que t'arrives chez toi, devant ton canapé, et tu regardes l'épisode ils avaient pas vu Le match, le résultat d'un match. Il allait commander du poulet comme ça. Ouais, j'ai vu cet épisode. C'est à moi d'enchaîner. Jonas. Toi t'as pris. Elle a pris le mien. Je peux bien en rajouter un qui est très court. Bon, vas-y, très court. Comme tes cheveux. C'est bon, on va pas autre chose. Non, c'est juste à l'heure où on enregistre cette émission, on est encore janvier, donc nous sommes le 19 janvier 2019, il est 21h27. Exactement, et donc le nouvel an était il y a 19 jours à peu près, c'était le nouvel an du calendrier grégorien, mais le calendrier berbère, le nouvel an c'était le 12 janvier. Donc, nous, les berbères, voilà, parce que à chaque émission, je fais une petite allusion, n'est-ce pas? Big up la famille, un peu de communautarisme. À chaque épisode, je le rappelle. Zidane. Ouais, Zidane. Non, voilà, donc, le calendrier berbère, c'était le nouvel an, le 12 janvier. On est en 2969. L'année sexuelle, merci en France. On est en fait, le calendrier berbère a 950 ans de plus que le calendrier grégorien. Donc il est plus ancien. Hi, on était là avant. La famille. Et donc chez les berbères, l'an 0, 950 ans avant Jésus-Christ, correspond à l'avènement du premier pharaon berbère, le pharaon de la 22e dynastie. En fait, les berbères, vous êtes l'équivalent du first comment. C'est ça. C'est exactement ça. Mais moi j'ai un truc pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a justement une proposition de calendrier qui en plus est toute simple, c'est-à-dire que tu rajoutes 10 000 ans à le calendrier actuel. Pourquoi ? Parce que pour inclure justement en fait, c'est la date à laquelle on estime la première construction d'un monument dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, ce calendrier rajouterait en fait toute une part de l'humanité auquel on ne fait finalement moins figure... Enfin, on fait on moins référence, on parle moins... on parle, à partir de zéro. Alors que finalement, l'histoire de l'humanité, l'évolution, l'invention de la roue, l'invention de l'écriture juste après et tout. Si on a pris le calendrier grégorien, voilà. C'est surtout culturello-politique, on va pas se cacher. L'ère qui a dominé après la fin de l'Empire romain, c'est l'ère chrétienne. Donc forcément, l'an zéro, ils l'ont foutu là. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça a une connotation souvent pour les gens. En gros, c'est à l'an zéro, c'est là où on a commencé à être civilisé ou un truc dans le genre. Alors que, comme si surtout on était à un état de genre paysan à moitié nu dans la boue. Alors que, non, quand même, on avait fait pas mal de choses. Oui. Surtout ailleurs dans le monde. En plus, on ramène ça à nous, genre l'Occident ou des trucs comme ça. Ailleurs dans le monde, il se passait des choses. Mais c'est vrai que ce serait bien de faire ça parce que je me rappelle d'une petite blague quand j'étais en CP. C'était une copine à moi qui disait il y en a qui disaient l'an zéro c'est la naissance de Jésus-Christ, et il y avait une pote à moi, bon, on était en CP, on était cons et jeunes, mais non, c'est pas vrai, il y a rien avant l'an zéro c'est les dinosaures. Ça encore ça va, c'est une petite fille. Il y a des adultes sur internet qui pensent qui disent bonne année la Terre, tu sais. Elle a 2019 ans. C'est 5000 ans, c'est ça. Quoi ? Selon la Bible, la Terre a 5000 ans. C'est quoi l'arsène ? C'est parti. C'est quoi l'arsène ? C'est pas un mec qui vole. Un Nicky l'arsène ? Attends, débranche peut-être la lampe. Merci. Ou j'éteins ? Ouais. C'était très bizarre. Je crois que je vais racheter une nouvelle table de mixage. Comment t'as éclaté dessus, je pense aussi, Allez hop, un point de montage. Ouais, un petit truc. Ah non, c'est juste... C'est Disney Marvel qui t'a entendu critiquer et qui est venu te censurer. grave. Tu as discuté l'ordre de Disney. Mais une fois, je parlais au téléphone avec une pote, les gars, on capte dans un autre. Allô, ici la Terre, Oxo la Terre. Fais gaffe, déconne pas avec ça. Tu m'entends la denrée ? La Terre. Ici le Glaude. Ici Shakira. Lolololol. J'ai coupé les effets, je pense que ça vient peut-être de ça. Ouais. Tu penses ? Arrête de taper sur la table de mixage. 1, 2, 1, 1. Et c'est Claude François. T'as pas compris, c'est l'astuce pour que tu rachètes la table de mixage. Voilà, c'est une petite astuce. C'est comme les cartouches d'encre. Alors, je note le moment du bug. Alors, moi, je disais sur ce calendrier, juste que je trouvais ça pas juste... c'est pas être coincé dans le passé, mais c'est justement plutôt prendre le côté large du monde. Et du coup, que par exemple, se dire « Oh, t'es un méchant immigré !» Ouais, mais avant, toi, t'étais dans un autre pays il y a 10 000 ans, quoi, enculé. Pardon. L'enculé, t'es arrivé très vite, mais il est justifié en même temps. Ouais, mais en même temps, au CP, on dit des choses. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve que ce serait vraiment une bonne façon de me remettre tout le monde sur un pied d'égalité, je pense. Mais jamais ce sera possible, parce que l'histoire avec un grand H qu'on a cantonné depuis ces quelques dernières années, les dates et tout, les trucs gravés sur les monuments, tout ce qui est enregistré, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Après, je pense que ce serait important dès l'école primaire de sensibiliser les gosses, de leur dire voilà, l'an zéro c'est ça, mais je sais pas, tu fais vite fait une introduction en cours d'histoire ou en cours de droit civique, je rappelle, normalement on l'a, on apprend qu'il y a eu une vie avant l'an zéro. Le souci qu'il y a toujours eu pour moi avec ça, c'est pas qu'on apprenne qu'il y a des choses avant, on le faisait, c'est juste que moi personnellement je comprenais pas du tout les dates entre elles, comment elles étaient. T'apprenais il y a tel moins 5000 ans t'avais ça. Mais tu te rends pas compte de qu'est-ce qu'il y avait dans un autre pays, toutes les cultures et les pays entre eux, comment ils qui se connectaient. C'est surtout, en plus, tu commences par les airs et ensuite tu commences à voir les dates. Genre, tu vois ? D'abord. J'avais dit, le truc sur la planète qui a 5000 ans. On a bugué là, je crois. Enfin, bugué mentalement même. On a bugué sur la table de mixage et bugué dans nos têtes. Mais bien sûr que la Terre a 5000 ans, parce que Dieu nous a créé à son image. Les dinosaures n'existent pas. Mais si, arrête. Les dinosaures, c'était juste des humains très moches. C'était des écolos de merde. C'était des puets. Non, mais t'inquiète, ils trouvent toujours les gens des différentes religions une petite parade, tu vois. Ouais, mais c'est parce que l'œil il est parfait. Ouais, mais après le bousier, en fait, on a découvert qu'il était là et il faisait le truc de la bouse et tout. C'est un vrai truc. Il y a des cons partout. Il y a des cons partout. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, j'ai entendu dire que aux États-Unis, dans l'Amérique profonde, hein, ah merci, c'est ça que je voulais dire, qu'il y a des gens qui pensent encore que la Terre est ronde et plate. Non, mais le problème, c'est que ça gagne en importance genre mondialement. Parce non, que... je si, d'ailleurs, j'ai une anecdote. Putain, j'ai vu des trucs, mais vas-y. J'ai une anecdote de ouf. C'était, je sortais du métro et j'attendais ma copine. Et là, il y a une meuf ouais, qui est histoire de dire, ouais, j'ai une copine, ouais, salaud. Alors que Mickaël, lui, il a dû annuler un rendez-vous pour venir à cette putain d'émission de merde. Ouais, parce que les amis, les gars, c'est important. Laissez-moi finir, bordel. Pardon. Excuse-moi, tu m'as frustré, merde. Et donc, du coup, Mickaël, c'est 5 minutes. J'attends. En fait, j'attendais, ça faisait peut-être 2-3 minutes que j'attendais. Et il y avait une femme qui tournait à la sortie du métro autour. Et puis d'un seul coup, elle vient vers moi. Et elle me dit, oui, bonjour, vous allez bien et tout. Elle commence à taper la discute normale. Et là, dans ce coup, elle me dit, ouais, vous savez qu'en fait, la Terre, elle est plate. Et elle commence, en fait, à vouloir essayer de me convertir, en gros, aller voir sur YouTube, j'ai vu des vidéos et tout. Mais j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, j'étais en train. Elle est folle ou quoi? Wow. Souvent, ça conspiration. Sert. Oui, mais non, mais je pense que. Théorie du complot. Pour le cas de la Terre plate, c'est vraiment minime. Les gens qui le croient vraiment, je pense que la majorité, c'est des trolls. Et là, justement, je pense que dans ce cas-ci, ça sert son intérêt très certainement religieux. Certainement. Qui... Mais ouais. Non, il y a vraiment des gens qui pensent que la Terre est plate. T'as beau leur prouver mais par A chou. Plus B. Oui, bien sûr, mais. Tu vois, 2 plus 2 égale 4, pour eux, non, c'est 6. Oui, mais tu ça vois, reste c'est un peu. Mais j'ai regardé des vidéos chou. Parce que je cherche toujours, même quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je cherche à comprendre quels sont les arguments. Et j'ai vu des trucs, et enfin, ouais, ils disent oui, mais regardez, si on, peu importe à quel point on monte une caméra haut au-dessus de l'atmosphère, ça reste quand même plat, la déformation, elle vient de la caméra. mais tout un truc. Fin... Mais le monde n'est pas Internet. Oui, mais je sais. Je pense que la majorité des humains sur Terre. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a pas. C'est pas les gens, le nombre de gens convaincus de ça, c'est plus le nombre de gens qu'on le doute. Et ça, je trouve ça encore plus bizarre. Ouais. Ça, je pense que ça témoigne plutôt d'une. On perd confiance petit à petit dans les institutions qui nous entourent, que ce soit l'État, que ce soit d'autres mais choses. Ça, c'est les l'éducation, profs, quoi. C'est l'éducation, quand même. C'est même pas l'État. Genre. Pas forcément, parce que. On est, tu sais, dans une démocratie représentative, du coup. Tu te sens souvent frustré de pas d'être seulement représenté. C'est plus un reflet de l'âge d'Internet, de t'es présenté avec tellement d'informations vrai, que tu sais pas les trier. On t'apprend pas ça, par contre, par exemple. Par contre, c'est vrai qu'on est dans l'âge du fake news. On t'apprend pas à analyser des infos et essayer de les comprendre et à chercher par soi-même. Tu prends des informations prédigérées et je pense que c'est ça qui met... qu'il y ait autant de gens qui le doutent plus que des gens qui sont convaincus, juste des gens qui sont pas en mode « Ouais, je sais pas trop, quelle est ma position par rapport à la Terre plate ?» Mais tu vois, c'est... Voilà. Même, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, tous les deux, mais ils sont pas dit « Mais les gars, ça fait plus de 40 ans qu'on envoie un PEGU dans l'espace pour geler les miches, pour voir que la Terre, elle est pas plate. » Mais c'est pour ça que les gens qui vont plus loin dans la pensée, si tu leur parles, pour eux, c'est une conspiration gigantesque. Que intérêt. La NASA, tout est faux, les mais satellites, oui, la Lune, tout est faux. Quel intérêt, pourquoi? Mais ça justifie d'autant plus le fait qu'on a que c'est une conspiration, c'est que t'as plein de pays différents, souvent ennemis, qui vont s'allier pour le secret, tu vois. Ça justifie d'autant plus cet argument, en fait. Tout peut être contré. Mais surtout qu'il y a des infos genre anciennes, alors je sais pas si elle est vraie ou pas, mais notamment ils disaient par exemple, il y a très très longtemps, la NASA, les photos qu'on avait en fait de la Terre, c'était pas des vraies photos de la Terre entière, parce qu'on n'arrivait pas à avoir une caméra qui prenait suffisamment de distance pour prendre la Terre en photo. Donc c'était un photomontage. Mais donc ça soutient les gens en disant « Ah, vous voyez, c'est un photomontage !» Sauf que depuis, on a envoyé des caméras au fin fond de la galaxie. Il y a un monsieur... Il y a même des satellites qui font des rotations autour de la Terre. T'as envie de leur dire « Je ne sais pas, mais non, mais ça veut peut-être dire il y a surtout un astronaute qui, dans les années 60, est allé vers la Lune et s'est retourné et puis a pris une photo de la Terre. Cernan Jan Cernan, en tout cas c'est son nom de famille. Pas du tout. Dernier astronaute à être allé sur la Lune. On fera une émission spéciale. Il y a une différence entre astronaute, spationaute et cosmonaute. Oh, je me la tête. C'est un Américain, donc c'est un astronaute. Non, mais c'est vrai, il y a très peu de gens qui le savent. Les Russes, genre, sont les Américains. Ah, vas-y, dis-nous alors. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a. Non, les cosmonautes, ça doit être les Russes. C'est les spationautes, Russes. C'est les Français. C'est les Européens. Européens. Et astronautes, c'est Américains. Et les taïkonautes, c'est les Chinois. Taïkonautes. Oui, parce qu'ils font du taekwondo. La Chine est arrivée deuxième aujourd'hui, cette année. Félicitations pour un nombre de lancements devant la Russie. C'est impressionnant. Ils sont chauds. Attends, devant la... Ah non, pardon, troisième. Troisième, parce qu'il y a... Attends, deuxième ou troisième ? Je ne me rappelle plus, mais il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine, qui a en tout cas dépassé la Russie. Ils sont forts, ces Niakoué. Hein. Ils sont surtout envoyés un truc sur la face cachée de la Lune, et personne ne relève ce qu'a dit Emilka. C'est doublement raciste, parce que Niakoué, en plus, c'est un mot... On voulait passer ça sous silence, tu là, vois. Mais c'est, il est de coutume, ouais. Je fais toujours un truc raciste dans les émissions, ça c'est admis. Bon bah, tu as brûlé ton joker. Et ça veut dire paysan. Oui, exactement. Voilà. C'est super intéressant là tout ce qu'on a parlé. On fera une émission Espace Frontière de l'Infini. Ouais, je parle du Nouvel An Berbère, mais vous l'avez noyé sous les trucs. Une émission spéciale. Je le redis, le Nouvel An Berbère, merci. Émission spéciale complotiste. Mais on l'a déjà faite. Oh merde, j'étais pas là. D'ailleurs, volume 2. D'ailleurs, peut-être si tu veux, mais en tout cas, Vika posait la question de pourquoi on croit au complot. C'est parce que ça donne de l'importance et c'est souvent l'indice d'un malaise, souvent d'une perte de confiance. En fait, oui, c'est ça. C'était lié à une volonté d'accomplissement. Qui vient peut-être d'un malaise, d'une frustration ou d'une complexe d'infériorité. Mais en tout cas, le fait de savoir quelque chose que les autres ignorent, c'est un sentiment d'accomplissement que les gens recherchent. Et les autres sont des moutons. C'est la satisfaction qui se veulent. C'est comme dans toute religion. Quand toute religion, quand le mec se sent à part, se dit « Ok, j'ai pas réussi ma vie, mais je suis pieux, j'ai des valeurs. » j'ai été choisi. Moi, j'irai au paradis, tout le monde ira en enfer. C'est le même sentiment. La religion, la théorie du complot, c'est la même merde. Bah, c'est ton avis. On veut pas avoir de problème. Oui, on veut pas avoir de problème. On a peur, en fait. On a peur. De moi mais de choquer les gens quand tu parles des religions, ça. Mais je suis désolé, les gens ils deviennent fous quand t'attaques ça. Les gens ils dédouanent entièrement de cette émission. Alors je suis issu d'un pays, islamique. Donc la religion, moi, je l'emmerde. Je crois qu'on est peut-être d'accord autour de cette table pour l'emmerder, mais en tout cas... Pourquoi j'utilise un pseudo, à ton avis? La Terre à 5000 ans, alors pourquoi on peut observer des étoiles qui sont à plus de 5 millions d'années-lumière? Parce que c'est pas, c'est des conneries. Ouais, c'est les dinosaures, ils ont foutu la merde, c'est un enculé. Non, mais déjà, est un dinosaure. Les religions ont toujours su contrer les démonstrations et les réfutations. Ils ont toujours su contrer, mais là, il y a un truc qu'ils ne peuvent pas contrer, c'est qu'ils aient trouvé de la vie sur Mars. Ils pourraient peut-être avoir trouvé de la... Laisse-leur du temps. Oui, mais c'est pas une vie intelligente, du coup, ça compte pas. Puis après, tu rencontres des gens, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lovni, non, ça compte pas, parce qu'il s'appelle Jean-Pierre. Bonjour, je m'appelle Marc le Martien. On a bien parlé sur ça. Moi, je vais enchaîner avec mes deux petits brôles. Eh oui, j'en ai deux, toi aussi. T'en avais deux. Mais Didi m'a pris le mien. Donc non, je l'ai pas pris. Tu as été gentil pour m'aider et me sortir de ce moment gênant. Les enfants, j'ai eu le choix. Les enfants. Ouais. Non, mais je vais d'abord parler de Too Good To Go. Une application pour la bouffe. Redis-le plus doucement, je pense, parce que je pense qu'ils ont cru que c'était un pays en Éthiopie. Good. To go. To gun. To gun, ça c'est gun. Non. Too good. Too good. Ah, too good. Trop bon. C'est trop bon pour partir. Ah, merci. Ok. Merde. Voilà. Voilà. Okay. Voilà. On est en France. Merde. Donc créé par Lucie Bach. Pardon, qui a créé une application pour vendre les invendus. En fait, t'es un magasin ou une boulangerie, généralement c'est souvent ça. T'as plein de baguettes par exemple, et il y en a qui te restent sur le bras le soir. Eh ben, tu vends des paniers d'invendus. Et le truc, c'est que du coup, tu sauves ces paniers. Par exemple, pour une baguette, c'est tout con, mais il faut à peu près une baignoire d'eau. C'est impressionnant, mais juste pour une baguette, c'est ça, quoi. Contre le gaspillage. Et voilà, attends, c'est tu parles aussi dans cette comparaison, tu parles de l'eau qu'il faut pour cultiver le blé, de l'eau qu'il faut pour faire le truc. Je connais pas toutes les spécificités, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce qui t'indique et c'est ce qui calcule. Et du coup, grâce à ça, en fait, ils ont sauvé cette année, ou depuis la création de l'application plutôt, 3 762 200 repas. Et ils ont économisé donc 7 524 tonnes de CO2. Donc c'est un très bon début. Ça fait pas longtemps que l'appli existe et c'est un succès, j'espère, génial. Et c'est la plus grande en Europe. Le seul problème qu'on parlait justement avec Jules, c'est... avec Jules. Wachalor. Wachalor. Lobby. C'est quoi? C'est pas assez... La publicité n'est pas assez présente sur cette application. Mais parce que ça coûte un pognon fou de faire des pubs. Oui, dans le sens, surtout, genre, qui... En fait, si vraiment... Lucas, tu connais cette fois Je ne connaissais pas du tout, et c'est une très belle initiative. C'est une très bonne initiative. Mais je vois aussi le danger. C'est très bien ce que tu soulignes, Didi, parce que... Bien sûr qu'ils feront pas de pub, même s'ils ont du blé pour, parce que les gens feront exprès de ne pas acheter certains produits, de ne pas les acheter en magasin et d'attendre qu'ils soient sur cette appli, du coup. Ils les paieraient moins cher. Mais non, pas du tout, puisque c'est vraiment du choix du magasin. C'est eux qui gèrent leur stock d'invendus. T'es pas sûr d'avoir telle ou telle chose en invendu. Ah oui, déjà, en plus... Mais regarde, un magasin, voilà, j'ai personne qui m'achète. Mais t'imagines le risque que tu prends. Mais je ne vends pas la journée. Au risque d'aujourd'hui où tout le monde. Je ne vends que attention. Des invendus. Gilets jaunes, les gars, gilets jaunes. Là, pouvoir d'achat. Allez, on arrête le podcast. On va aller manifester. Ah, mais moi, je vais dire honnêtement, je suis allé manifester 2 fois à Paris. Mais j'ai cassé personne. le plan qu'il y a eu, bordel. Et oui, cette émission. Bah, on a un peu peur. Oh, les gars, vous me connaissez, je suis pas un bourrin. De toute façon, pour revenir à Togo, je trouve que c'est quand même une très bonne initiative. Oui, parce que pour avoir bossé dans X compagnie qui fait des cafés partout dans le monde, etc. Qui s'appelle Malongo. Voilà. Moi, j'ai vu, et je pense que c'est partout. T'as des trucs où tu vois de la bouffe partir à la fin de la journée. Tu sais très bien qu'une personne, n'importe qui pourrait la manger, mais je comprends que derrière, il y ait des lois en mode... Malheureusement, c'est souvent, tu peux pas laisser les gens partir gratos avec des trucs comme ça parce que si jamais il leur arrive un truc, c'est ta faute, machin. Enfin, t'as plein de lois à la con. Je pense que c'est un prétexte. Mais en attendant, le truc premier, c'est vraiment ne pas faire du fric dessus. Dans tous les cas, en attendant, c'est pas ces genre grandes compagnies ou autres qui vont pouvoir changer des trucs. Et t'as des trucs comme ça qui peuvent aider derrière à récupérer. Alors, tu parlais de la loi. C'est maintenant, depuis 2 ans, il me semble, illégal de jeter ses invendus sans les donner à une association. Pour la grande distribution, comme les Intermarchés, les Alors, j'ai peut-être vu des choses illégales se passer. C'est que quand ils balancent les invendus alimentaires, ils ont obligation de les saborder avec de l'eau de Javel. Oui, mais justement, c'est à cause de ce genre de truc que la loi est apparue, parce que ça a indigné tout le monde. Mais maintenant, c'est plus possible. Ah bon ? Ah, mais moi on m'a personnellement, souvent, ce qu'on faisait, c'était on emportait les trucs invendus parce que pour nous, et puis aussi on donne à quelqu'un dans la rue si on voit quelqu'un. Après, c'était des confiseries. Tu jetais. Non, mais voilà, on essaie de pas gaspiller. Et une fois, un jour, on nous a dit, vos managers nous a dit, mais là, vous volez l'argent de la boîte. Là, mais ça va à la poubelle. Et dit, oui, mais non, nos poubelles nous appartiennent. Tant que le patron ne te dit pas de prendre les viennoiseries ou les trucs pour les clients, tu peux pas partir avec. Non, mais on a aussi travaillé dans des endroits comme ça. Ouais, mais notre manager nous le faisait faire. Moi, on m'a jamais dit que c'était pas légal. Le mec, le premier jour, m'a fait, tiens, tu veux quoi ? C'est vraiment une honte. Et nouveau manager shift. Et là, la meuf, elle nous dit... en gros, vous allez avoir des emmerdes. En mode, je vais vous dénoncer. En gros, tu peux te faire et tu te fais virer pour ça. Oui, tu peux des te faire. Des fois, on jetait une centaine d'hamburgers à la poubelle. Pareil, mais genre, les trucs, ils étaient juste froids. KFC, moi. On dit pas de marque. J'étais dans un fast-food qui vend du poli, commence par K, qui finit par C. FC. Mais ouais, mais je vois très bien. Et c'est vraiment une honte. C'est une honte, putain. On est en 2019. Il y a des gens qui meurent, des SDF qui meurent de faim dans la rue à côté de chez nous. Et nous, le gaspillage alimentaire. Alors, pour rappel, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, 2 milliards vivent avec une malnutrition. On peut nourrir actuellement 12 milliards d'êtres humains. Mais oui. Non, mais bon appétit. Non, mais oui, mais oui, mais tellement. Je passe à mon deuxième rôle sur ça. En tout cas, on a bien parlé, hein, c'était très bien. qui va en fait beaucoup plaire. Ouh, je suis à votre droite, je suis à votre gauche. Qui va beaucoup partout, plaire. Politiquement, il est à gauche, c'est à droite. Voilà. Qui, à mon avis, va beaucoup plaire à Abe, puisque j'ai regardé quelques films pendant les vacances de Noël. Et peut-être qu'à cette musique, il va reconnaître quel film c'est, mais je vais vous parler. Est-ce que moi aussi je vais reconnaître? Ah, c'est Whisplash. Yes. Putain, j'allais dire Quiz Bill Kelly est activé. En tant qu'ancien joueur de batterie, je dois connaître. Alors, en tant qu'actuel joueur de batterie, Abe, il me semble que t'as adoré ce film. Pas mal. Pas mal. Franchement, il était vraiment stylé. Ouais, pas mal. enfin, bon, il y a quelques... C'est pas lui qui joue hein, sur beaucoup de trucs, mais ça se voit, ça se voit. C'est pas physiquement possible. Si, il y a un mec qui a bien enregistré pour le film. Hein. Ça se voit parce que beaucoup de personnes... Non, mais je veux dire, de refaire tout le temps la scène en faisant vraiment le truc de batterie. Parce que, moi, quand je faisais de la batterie, beaucoup de personnes me disaient c'est un instrument très facile parce que tu au ne début. Vois pas... Voilà, au début, quand tu fais un rythme très simple, mais... C'est l'inverse de la guitare. Exactement. La guitare, c'est très dur au début et ça devient de plus en plus facile, alors que la batterie, c'est le contraire. C'est facile au début... Et après, faut que t'apprennes à, comment dire, à gérer tes membres indépendamment. Ouais, en bidet. Et voilà, sans parler des pédales, double pédale, voire triple ou quadruple pédale, mais là, c'est des malades. Avec leurs membres. Et aussi, le jazz, apparemment, c'est le style où, à la batterie, c'est le plus compliqué. Ouais. Le plus dur à maîtriser. Il y a des... Des variantes folles. Tu vas être sur des rythmes binaires au pied, ternaire sur une main, et puis tu vas faire des tierces de temps la main gauche. Enfin, c'est un délire, quoi. Il faut vraiment être très coordonné et c'est incroyable. Non, justement, c'est faut pas être coordonné non plus. Il faut savoir séparer ta main droite de ta main gauche et de ton pied. Genre tout, parce que habituellement, tu fais tout en même temps. Et là, faut savoir, genre, non, pas le même temps. C'est horrible. Ça. Tout en étant dans le temps. Voilà. Mais du coup, voilà. Et Abe, ça donne quoi à la bouche, par exemple? Allez. sur cette jolie chanson, je vais juste vous laisser dire en quelques mots, mais genre vraiment en quelques mots, le truc que vous attendez le plus cette année, c'est-à-dire en 2019. On va commencer par Didi. En quelques mots. Le bonheur. Non, j'allais dire un truc comme ça aussi. Non. Je sais très bien que ce que tu attends ne rime pas vraiment avec bonheur. Ça commence par The et ça finit par 2. The Last of Us 2. Oui. Ah, entre autres. Ah, c'est pas deux, la alors. Seule chose que j'attends. Allez, mais Abe, et Didi, racontez-moi vite fait pourquoi vous attendez ça de ouf. Parce que ça sera sûrement le meilleur jeu de 2019. Les paris sont tenus. Les paris sont tenus, ben oui. Milka. Le bonheur. Va te faire foutre avec ton bonheur, putain, j'en ai marre. Non, honnêtement, ce que j'attends le plus, c'est vraiment la sortie de Game of Thrones. L'amour. Absolument. Et l'amour. Non, mais en fait, t'as pas un petit mot à faire passer à cette jeune fille qui t'attend depuis tout à l'heure au KFC là? Non, mais. Il est con! Non, mais merci, mais voilà, désolé d'avoir. Si tu m'entends, désolé d'avoir annulé, hein, mais bon, les copains d'abord, comme dirait Brassens. Julia, Jules, c'est ton nouvel album, c'est ça? Bientôt dans les bacs. Ça se rappellera Le Martien. C'est original. Non, mais je sais pas. Enfin, j'avais parlé d'Avengers, machin et tout, voilà. Après, j'avoue que j'ai pas eu le temps de vachement me renseigner sur les 2019. Je suis tellement focus sur tout de suite. Si, 2019, je finis mes études. Ouais, c'est quelque chose qu'elle attend. Ça, c'est bien. Ouais. Et ça, c'est ça que j'attends. Bah, j'attends depuis 4 ans de finir mes études. C'est un grand événement pour moi. Ah bah oui, j'imagine. Obstétricienne, c'est ça? Mais non, sage-femme. Ah oui, pardon. C'est la même. Oui, d'ailleurs, on va être dans la même clinique. Tu dois être le plus effrayant des gynécos. Didi. C'est un autre truc que j'attends quand même, c'est The Witcher, la série Netflix. Même si il y a même si c'est Superman qui joue. Non, moi je pense que c'est un fake, c'est pas lui. Ah, mais non, c'est pas du tout un fake, il y a même eu c'est la première vie, ouais. Putain, merde. Enfin, c'est Henri Cavill. Dernièrement, ils ont pris lui, quoi. Ouais. Non, ils sont sérieux. J'aime pas trop son mode d'acteur, il est trop stoïque. C'est le Ryan Gosling des Superman. Mais après, j'ai l'impression qu'il est meilleur quand il a son vrai accent. Ouais. Il était pas mal en Mission Impossible. Bah non, pareil, je l'ai trouvé trop stoïque. Un petit moustache. Un moustache. La moustache du scandale. Dans Mission Impossible, il est trop stoïque. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que tout va bien ou qu'il est face à des ennemis, il a la poker face, comme dirait Lady Gaga. Ou alors il a le petit froncement du sourcil. Oui, voilà. Il a deux jeux d'acteurs. Alors, question tour de table rapide, il est sexy ? Quoi ? Enfin, je sais pas mon genre. Joker. De quoi qui c'est qui Joker ? J'ai pas compris. Bah, Henri Cavill. Ouais, ça va. Ouais, il est beau gosse. Il est beau gosse. Si, il a du charme. Enfin, mais il était bien dans Superman, je crois, c'est le moment où. Il est torse nu. Il est mal rasé, tout ça. Alors, je tiens à dire. Pas quand il est Clark Kent, quand il est pas Clark Kent, justement, il est bien. Alors, je tiens à dire, oui, ce début de Man of Steel, on le voit torse nu. Ses préparateurs ont chié son corps. Il est très mal musclé. Non, il est très mal musclé, il est très déséquilibré. Il est hyper gonflé des pecs. On dirait qu'il a des boobs. Et le bas de son tronc, ils l'ont délaissé. Il a aucun abdo. Tellement qu'il a pas d'abdo, ils l'ont rajouté par image de synthèse. Ouais, donc ses préparateurs ont fait de la merde avec son corps. Hein. Voilà. Oh. Je tiens à dire ça. Ça va le Ruby Man ? Il dénonce en 2019. Ouais, j'aime la bagarre ! La bagarre ! Ben moi, c'est l'arrivée de la Model 3 en Europe. Je vous en ai déjà parlé de Tesla depuis des années. J'adore ça. Et puis, ben, en fait, à part ça. Le lancement, enfin. Oui, exactement, bravo. Et oui, mais quand c'est pas Tesla, c'est SpaceX. Oui, il est épuisé. Bah oui. Non, mais de Dragon Crew, le lancement d'astronautes. Je croyais que t'allais parler de Star Citizen, tu vois. On en parlera, t'inquiète pas, on en parlera. Ah oui, Abe et moi, on en passe des heures dessus. À mourir. À vendre de la drogue aussi. Mais j'adore parce que la sortie de Tesla, on aurait dit que t'allais te l'acheter, enfin, comme ça. Je me suis donné 5 ans. Voilà. La Model 3 sera dans mon garage. Monsieur, j'achète déjà des chaises de riches. Tu vas t'acheter une fusée, mais t'auras pas des problèmes avec les impôts. Mais non, Tesla, c'est les voitures électriques. Oui, mais je crois qu'il avait. C'était une blague aussi. Oui, c'était une blague. Voilà, merci. 5 minutes de silence pour cet échec. Alors, mais non, mais en fait, pour la première fois depuis 10 ans à peu près, depuis la fin du programme des navettes spatiales, les Américains ont dû passer par un Soyouz, donc par le Kazakhstan, par l'agence spatiale russe, pour envoyer des hommes dans l'espace. Et du coup, bah, c'est le retour. Bon, il y a SpaceX et il y a Boeing, donc deux agences privées qui vont faire du spatial avec la NASA. Et tout ça me fascine au plus haut point parce que depuis que. En fait, je me suis fasciné pour Tesla. Tesla m'a amené à SpaceX. Et SpaceX m'a amené à Hugo Lisoire, Stardust et Astrono Geek et à me passionner finalement pour l'espace et tout ce qui est spatial aussi. Waouh, tu m'impressionnes tellement. T'as dégainé des noms, je connais rien du tout. Je me sens tellement bête, j'adore. Ouais, mais apprends-moi des choses. Ça, c'est le même principe que sur le CV, tu vois, tu mets plein de trucs comme ça. Non, d'un point de vue genre, platonique, pas d'un point de vue sexuel, Jonas. C'est la chanson de Tarzan. Range ta bite, Jonas. Je veux savoir. Entre les moi, c'est les étrangers qui seraient pareils à moi. Phil Collins, c'est pour toi. Il est pas mort. Oui, mais oui. J'allais dire... Ouais, mais c'est pour lui, cette chanson. Même si, en effet, il est pas en forme. Quelque part, Phil Collins, là, dans le monde, il vient de frissonner. Il a abandonné sa carrière de musicien parce qu'un batteur... À force de percu, et il est devenu sourd. Comme Beethoven. C'est surtout que là, il se déplace avec une canne et il est vraiment pas en forme, hein, le pauvre. Oui, non, mais oui, mais aussi, il peut vraiment plus faire de musique. Il est sourd. C'est quoi toutes ces mauvaises nouvelles ? Ouais. 2019, hein, bonne année. Merde. Non, on a eu. C'était quelle année où Bowie est mort ? 2018. Non, 2017. C'était 2017 ou c'était l'hécatombe ? C'était le temps, ils sont vieux, les gamins. Les gamins. Non, David Bowie était pas vieux, c'est le cancer. Parti avant son temps. Merde. Waouh, et l'ambiance, c'est parti, ouais, c'est parti. Cancer, tout de suite, on passe. Soyez heureux. Ouais. Alors, bah, du coup, pour se mettre dans une ambiance musicale, on va se mettre, en fait, Jose González. Si. Parce qu'on va mettre, en fait, on va mettre... un sujet sur la table. Oh, purée, je fais deux choses à la fois. On va mettre donc le roi ours sur la table et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter José González et la chanson. Et la chanson, c'est Every Age. Non, on est plus trop dans l'espagnol. Every branch of the tree has to learn. Learn to grow. Find its way. Make the best of this short-lived stay. Take the seed. Take this bed. Take this dream of a better day. Take your time. Build a home. Build a place where we all can belong. Toi, tu coupes. Hey, mais il coupe la musique. Plus rien à foutre. Je suis saoulé, moi, je veux parler des ours. Moi, je pensais qu'on allait baisser petit à petit la musique et revenir. Non, voilà, on applaudit. Bravo. C'était très beau. C'était préparé. J'avais l'impression de flotter dans les airs, dans les étoiles. Bah oui. Il faut dire que Abe est très très en forme ce soir. Mais oui. Ah oui, exactement. N'est-ce pas ? Notre ingé son, du coup, est un peu fatigué, mais c'est normal. Trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Okay. Ah là là, vous voyez avec quoi j'essaye de tenir cette émission, hein, bande de merde, vous êtes tous des merdes, je vous déteste, ouais, mais non, je vous aime, mais non, je vous aime. Moi j'aime pas, j'aime que moi. Ouais. On vient d'écouter donc José González, Evil Age. Ah non, Jorge González. Bah écoute, malgré son prénom, il vient d'où à ton avis? Bah, Jorge González, il vient du Mexique, je dirais. Mexique, Hongrie. Il vient de Chine. Attendez. Et tu te rapproches le plus, c'est Julie qui a... Ah non, t'as dit Russie. Russie. Eh ben, c'est toi qui as gagné. Il est suédois. Voilà, putain, ça s'appelle Jorge González. Voilà. Mais où sont passées nos valeurs d'antan? En tout cas, Abe, je pense que toi, tu connais bien ce chanteur et beaucoup d'autres joueurs s'ils ont été jusqu'au Mexique dans Red Dead Redemption. Ah, c'est lui qui fait les musiques. Oui, non, il y a bien un rapport avec le Mexique, je suis pas fou. Mais non, certainement, non. Je connais pas sa famille et tout, mais juste en tout cas. C'est vrai qu'il a fait cette chanson, pas toute la BO, mais il a fait une magnifique chanson qui s'appelle Far Away, qu'on va mettre un petit peu en fond, en fait, et qui se passe lorsque tu arrives au Mexique. Et voilà, je vais pas raconter plus, mais c'est un moment qui est souvent cité comme un des plus épiques du jeu vidéo, et c'est absolument magnifique. Yes. Ça me rappelle quand on était avec les gars aux frontières de Dolgenico. Avec nos ceintures de munitions. Si, nous étions en train de rechercher les fameux El Criminalo. Les gringos. Si, El Tarlo. Mika, je rappelle que ton joker est raciste. Il a été crié. Pourquoi c'est raciste de faire un accent? C'est pas raciste. Bah, en tout cas, donc on taquine. Tout de suite. Alors, José González. Je joue généralement seul avec sa guitare. C'est comme par exemple dans cette chanson, où c'est vraiment lui, sa guitare, et c'est tout. Et à l'occasion donc, de son dernier album, Vestiges and Clouds, il est accompagné d'un orchestre en concert. Et c'est ce qu'on a écouté en fait à l'instant. C'est sa chanson, donc Heavy Age. Qui met avec un orchestre, contrairement à la version studio où il est tout seul. Dis-moi, tu serais pas en train de jouer à Red Dead Redemption 2 là, par exemple? En même temps là? Non, mais je sais pas, c'est bizarre. Non, mais j'en suis à la moitié, donc je ne vais absolument pas en parler. Ah, et donc, puis, je ne sais pas, la musique, voilà. en fait, j'ai eu l'occasion géniale d'aller à son concert à Paris dernièrement, avec mon cousin à qui je fais des gros gros bisous et. Gros bisous. Le plan. Non mais en tout cas c'était une expérience musicale vraiment prenante et intéressante parce que pour moi c'était une des premières fois que je faisais un concert qui n'était pas du classique où j'étais assis et d'habitude non, mais, mais oui mais d'habitude moi je suis dans la fosse directe et je danse comme un gogol. mais du coup c'était un moment en fait où tout était concentré juste sur la musique, sur l'expérience musicale. Les spectateurs étaient. Quand même. Genre, on vient pour la musique. Oui, mais oui, c'est différent. Je comprends, mais quand même, on va pas dénigrer le travail des musiciens. Je parle pas de ça. Je parle de l'ambiance. Je parle de l'ambiance vraiment qui est consacrée. Personne ne gueule quoi. Voilà, il y a pas de concentration sur la musique. Voilà, il y a pas de show, il y a pas de fioritures. C'est vraiment les instruments, hop, et le silence dans la salle. Il y a personne. Ça c'est magnifique. Et personne qui essaye de toucher les culs de la meuf à côté. Personne qui essaye de vendre de l'exta ou quoi dans les chiottes. Quel concert que t'es allé toi? Babar au pays des. C'est vrai que ça mériterait son propre sujet, mais c'est encore un exemple. La musique dans les jeux vidéo, je sais pas, les gens n'en parlent pas, mais t'as des jeux vidéo, mais des PO de dingue. Oui, magnifique. Et mais on avait parlé déjà une émission précédente sur Red Dead, justement. Oui, en effet, ouais. Où on avait presque parlé que de ça. Enfin, j'avais parlé tout seul pendant une heure, mais... Last of Us, par exemple, la musique, elle est... Oui, Gustavo Santaolalla. Tout ce qui est immersif, quoi, que tu crées une ambiance visuellement et sonorement. Sonorement. Voilà, je suis fatigué. Hey, donne-moi du sucre. Donne-moi du sucre, j'ai besoin de sucre. Tiens, du sucre, allez. Prends des bonbons belges. Merci. Non, mais c'est vrai que la musique du jeu vidéo... The Witcher, on s'en rappelle aussi. Ouais, The Witcher. Ah, mais tu connais Lolei, Lolei, Lolei. Ben, il y a... Moi, j'ai coupé les musiques de The Witcher. Voilà. Elles sont pas mal. Je les ai coupées. Non, c'est juste, il y a une musique en fait répétitive, c'est une boucle et en fait elle t'agace. Ah merde. Mais en fait, c'est aussi parce que moi j'ai vécu le jeu en mode réaliste. Genre, je voulais vraiment que ce soit une expérience réaliste, donc bah, dans la réalité, t'as pas de musique dans la tête. Ah bon ? Moi, c'est surtout au Moyen-Âge. Dans la forêt, j'ai de la musique. Voilà. Il y a une meuf qui me suit qui fait la la la la la. C'est Julia. Lolei, lolei, lolei. Lolei, lolei, Shakira est avec nous, les amis. Shakira est avec nous. Je ne suis pas échauffée. Pour revenir sur le concert, il y avait juste un truc, une anecdote, c'est que le chef d'orchestre était un peu timbré. C'est-à-dire que des fois, il... Oh, chef d'orchestre timbré Non, mais... <Ouais. rire> En fait, des fois, il s'allongeait en plein concert et tout. Il est là, il était là, il se mettait à terre. C'est l'expérimental. Ah, et il profitait de la musique. Et en fait, il y a surtout eu un moment où il a joué de la perceuse. Quoi? Ah, c'est vraiment de l'expérimental, hein. Ah oui, mais vraiment, il y a des gens qui tapaient sur des morceaux de métal, de glace et tout. Mais enfin, tu t'es trompé, c'était grave. Ah, José, tu me mets le B13 en couverture, s'il te plaît? Ouais. Et là, il fait tout. Le mec, il a vu des chaises, il s'est assis, il c'est de la musique. Voilà. Le pire, c'est qu'il a payé à la fin, et ce sont des putains de... Monsieur, faut partir, là. Faut partir, monsieur. Excellent. Eh, les gars, il y a un mec qui nous a payé l'apéro au soir. Il a donné un billet de vin. Bah, en tout cas, j'espère que cette chanson vous a mis dans le bain pour Laura Wurst, puisqu'on va parler de ça. On va parler, en fait, de la bande dessinée Laura Wurst. On aura évidemment une partie spoil, une partie non-spoil. Et c'est quoi Le Roi Ours, si vous avez fait votre voir, personne. C'est un ours qui est roi. C'est une bande dessinée, non, donc c'est une femme. De. Oui, à la masse, l'héroïne. C'est une femme qui est la reine. Et comment elle s'appelle? Pipilipi. Pipipipili. J'aimerais bien que quelqu'un le remixe ça et en fasse une chanson. Pipilipili. Alors, Jibil. Xipil en français, mais Jibril. C'est Xipil. je sais pas prononcer son nom. C'est... alors en fait, c'est une bande dessinée donc de 108 pages, sortie le 13 mai 2015, écrite, dessinée et colorée par Moby Dick, une autrice française qui habite en Belgique. Waouh. Bah donc elle est belge. Ben non, elle est française et elle habite en Belgique. Non, mais en fait, t'es radiée de la France. Allez, hein. dans cette région de la France qu'est la Belgique, vraiment. Allez, allez, rends-moi mes mélocakes là et arrête avec les frites. Mais du coup, le roi ours, quelqu'un peut me résumer l'histoire? Qui s'en rappelle? Moi, je m'en rappelle. Mais est-ce que quelqu'un d'autre veut la... Moi, je connais le début. Alors, bah, c'est bien, résume le début. Si, moi, je m'en rappelle, j'ai lu la BD. Tu m'as fait lire la BD. J'exploite les quand gens. Quand elle était dans la cave, enchaînée. Ben non, elle squatte tout le temps à côté dans la chambre. Alors, vas-y, Didi. J'allais le faire. Alors, ça se passe. C'est Xipil, en fait, qui va. Je sais plus si elle interrompt une chasse ou quoi que ce soit, mais. Non. Non, c'est mais pas en ça. Fait, c'est moi, je pensais. Elle a raté. Suivant. Alors, en fait, ça commence où, en fait, elle est... Elle se fait poursuivre, elle se fait chasser. Non. Moi, Pika, elle Pika. Elle est donnée en sacrifice, attendez. En fait, à un dieu. Ouais, c'est ça. Et, moi. Sauf que... Bah, c'est si il se plante, tu reprendras. Assez bizarre, en fait, du coup, il la laisse... Elle s'est plantée, là. Comment? Ah là, il s'est planté. Il se passe un truc bizarre. Allez, Pika. En gros, le dieu, il veut pas la tuer. Ah, ouais, parce qu'il dit. Alors, je fais une petite. Scénariste. Je fais une petite introduction. Alors, c'est dans une société shinto-animiste, où bien évidemment les esprits et les divinités de la forêt sont représentés par des animaux. Donc, elle est animiste de la société qu'ils ont. Une tribu fait des offrandes au dieu et roi de la forêt, qui est un ours blanc géant. Donc, l'offrande en question, c'est une belle et jeune femme. Comme dans toute société patriarcale, on sacrifie une femme. Et donc, elle est donnée en offrande au roi ours. Et le roi ours, il trouve ça con de lui donner des humains en sacrifice. Qu'est-ce que je vais en faire ? Alors elle n'est pas offerte en offrande au roi ours. Elle est, elle est donnée à Caïman. À Caïman. Bien. Et en fait, le roi ours débarque et dit « Ah non, mais en fait, elle se fout de votre c'est gueule. Mort. Ouais, voilà. C'est mort. Elle ne va jamais lever la malédiction. » Parce que c'est pour ça qu'ils font village des offrandes. Est maudit, ouais. Son village est maudit. Et soi-disant qu'elle demande des offrandes plus grandes, enfin en gros, parce qu'il lui dit qu'elle est un petit peu âgée pour être un sacrifice, et en gros, il la libère. Parce que c'est la fille du chef. C'est en fait. La fille du chef, et il lui dit, c'est des conneries, va vivre ta c'est vie. C'est curieux, de shit, machin. Ouais, il lui dit, c'est, trop en fait, c'est un complotiste. Ouais, c'est ça. Il la libère. Elle retourne vers son village. Elle retourne vers son village, sauf que, on pourrait s'en douter, ils sont pas très contents de la revoir, parce qu'elle est supposée être sacrifiée pour les aider. Donc, si elle est là, c'est qu'elle s'est enfuie. Elle et donc, elle va porter malheur au village. Sale petit moment. Et en plus, qui c'est qui lui fait passer un mauvais quart son d'heure ? Son frère, je crois. Et non, son fiancé. Fiancé. Et oui. Ah. Et va-t'en, sale poufiage, je veux plus de toi. Et là, arrive le roi ours. Je pense qu'on peut arrêter là, mais il va. L'ours entre en jeu. L'ours entre en jeu, il l'a. Il l'a quoi ? Sauve. Ah, ok. Et du coup, ben en fait. Il la sauve, mais il la condamne à autre chose. Voilà. Parce que un arrangement sera fait avec Caïman. On peut le dire. Et non, ce sera dans la période après spoil, puisque D'accord, on va commencer en fait par juste demander là, rapidement un petit tour de table. En un mot, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bien aimé, pas bien aimé ? Allez, moi, j'ai très bien aimé, je trouve. Voilà. Que... Et le Didi ? Okay. Ouais, c'est sympa. Connard. Mais non, mais j'ai dit rapidement. Un mot, c'est genre 10 phrases. Sympa. Ouais, agréable. Ouais, agréable. Je dis ouais. Ah. Ouais, je trouve qu'il y a des messages, des beaux messages dedans. Ouais. Moi j'adore, c'est ma BD préférée. Ah, stop, trop tard, on a dit un mot. Alors, après on va entrer dans la zone spoil, mais on va commencer par une petite interview de Moby Dick que j'avais réalisée il y a un an. Mais avec est-ce que elle. Nos auditeurs parlent le baleine Je ne sais pas. Hein. C'est pas une baleine Mais si, Moby Dick, bah, oui. C'est une baleine. Mais non, un cachalot. Oh, c'est pareil! C'est pareil! Ah, c'est grand, ça bouffe de la poisson, ça respire par le trou de l'œil, puis la tête, c'est pareil. Ah oui, non, c'est Capitaine Akam. Akam. Adok? Akam. Alors, tu connais bien en plus Jonas, toi, c'est normal, il était dedans. Hein. Alors, en tout cas, j'avais réalisé cette interview il y a un an, et on devait diffuser l'émission. Voilà, il y a un an. Et donc, je m'en veux beaucoup de pas avoir pu sortir l'épisode plus tôt, d'avoir fait une si grande pause et de pas l'avoir recontacté. Du coup, pour à nouveau la remercier, lui montrer l'épisode. Donc, en tout cas, je lui fais un grand salut, je lui prends mes excuses et je lui envoie plein d'amour. Oui, et, en tout cas, oui, c'est voilà. À remercier pour son travail. C'est très belle. Ouais. Les dessins sont très très beaux. Et puis pour la discussion, parce que c'était vraiment génial. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la voix de Moby Dick, puisqu'on va reproduire le truc. Hein. C'était pas un enregistrement, c'était par Messenger, donc bon. Parfait. Bonjour à tous. Évidemment, j'ai changé quelques éléments hein, pour que ce soit audible à l'oral, puisque c'était sous forme de texte. Oui, parce que toutes les appellations, ma couillasse et tout, on va pas les mettre. Et puis XD et tout ce que je mets, genre j'ai mis LOL la meuf. je vais enlever. Vous êtes prêts, madame ? Ouais. Parce que bon, on s'est dit, une voix féminine, c'est peut-être un peu mieux pour s'y retrouver. Oui, et d'ailleurs, je boude. Voilà, allez, boude, boude, boude. en fait, donc, je fais mon rôle. Oh là, c'est... Oh, quel honneur. du coup, bonjour, Moby Dick. Salut. Je suis sûr qu'elle parle comme ça en vrai, peut-être. Mais en tout cas, j'ai commencé donc l'interview en demandant, en fait, j'ai appris dans une autre vidéo, dans une vidéo que Moby Dick, donc que vous appréciez le jeu de rôle. Et je me demandais dans quelle mesure ça avait influencé votre travail, si c'était le cas. Oh, t'as vu les formules que j'avais mises ? C'est beau, c'est beau. Mmh. Ok. Donc, je ne sais pas si le JDR a influencé mon travail, pas de manière consciente en tout cas. Mais quand on raconte des histoires, on est toujours influencé par celles des autres, qu'on lit ou qu'on regarde. Le JDR, c'est une histoire qu'on vit et sur le long terme. Ça fait 3 ans que je joue le même personnage avec le même groupe. Ça m'a forcément influencé. Mais je ne suis pas capable de décortiquer de quelle manière. C'est une très bonne question en tout cas. Il y a quelques scénaristes, Fabien Vellman, sûr, mais aussi Trondheim, il me semble, qui pratiquent ou ont pratiqué en tant que maître du jeu. J'ai vu une interview de Vellman qui abordait le sujet et qui disait que ça l'avait aidé à devenir un meilleur conteur. On est le scénariste d'une histoire qui se joue en temps réel. On voit les réactions en live des spectateurs, on sait tout de suite s'ils s'ennuient ou s'ils sont accrochés. Et on doit réagir en fonction. Et je réponds tout de suite à la question qui s'impose, non, je n'ai jamais masterisé de partie. La somme de connaissances des règles du jeu nécessaires m'en dissuade totalement. Je voulais commencer par une petite question un peu en rapport avec Spip, parce que c'est, j'explique, c'est un personnage de Spirou, c'est le petit écureuil qui l'accompagne, et dans le magazine Spirou, Moby Dick a publié une mini-histoire sur Spip, qui était absolument très très jolie, toute mignonne, c'était vraiment très très joli, quoi. Et en fait... notamment grâce au magazine Spirou, j'ai découvert le Roi Ours donc dans ce magazine, dans un de leurs conseils de lecture. Et donc là, je reprends l'interview. Vous avez réalisé la couverture de Spip Magazine. Quelle relation avec vous, avez-vous en fait, pardon, avec Dupuis et le magazine Spirou ? Est-ce que vous lisiez durant l'enfance ? Et la couverture fait partie des éléments qui attirent vraiment l'œil et le fan d'animation pour le Roi Ours. Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi en amont à celle-ci, ou est-ce que c'est venu finalement assez rapidement après avoir terminé l'album ? Et puis, troisième question, en parlant d'animation, dans les œuvres de Miyazaki, le retour à la nature est un thème récurrent. Votre œuvre est souvent comparée à Princesse Mononoke, mais là où dans le film de Ghibli, c'est selon moi la technologie qui permet d'assouvir les hommes, combattre les dieux et rompre le lien entre les hommes et la nature. Dans le Roi Ours, cela semble être plutôt le chaman et ses pouvoirs qui permettent cette même interaction. Est-ce que ça veut dire quelque chose de votre rapport à la religion et à l'ésotérisme ? Donc, en ce qui concerne la question sur Spirou, j'y étais abonnée quand j'étais petite et pendant quelques années. Le fait qu'ils y aient parlé de mon album et qu'ils m'aient proposé de réaliser la couverture est une histoire courte pour Spip Magazine. Attends. Et une histoire courte pour Spip Magazine n'a rien à voir. Ce sont eux qui m'ont contacté, bien évidemment, sans savoir tout ça. Une chouette victoire personnelle, vous vous imaginez bien. La couverture d'un album est effectivement un point clé, et c'est un exercice très difficile. Il faut résumer l'histoire en une seule image, donner envie, mais sans spoiler. Choisir une seule image qui va représenter un moment, une scène, une ambiance, alors qu'en tant qu'auteur, on a mis autant d'énergie dans chacune d'entre elles. Laquelle représente le mieux l'histoire ? Choix cornélien. Pour faire mon choix, j'ai fait la liste de toutes les scènes qui composent Roi Ours et imaginé une image clé pour chaque. Celle-ci s'est tout de suite imposée comme étant la plus symbolique de l'histoire, tout en étant mystérieuse. Oh, et vous dites après avoir terminé l'album, et avant, je pensais aussi que cette étape venait à la fin. Mais en fait, non. Elle peut parfois même arriver en début. Ça dépend du moment où l'éditeur en a besoin. Cette image sert également en amont à teaser l'album auprès des commerciaux et des libraires. Et cette étape commence avant que l'album ne soit fini. À propos, avez-vous remarqué que le Roi Ours était caché sur la couverture ? Princesse Mononoke est un de mes films préférés. Votre question est surprenante. Je ne pense pas du tout avoir parlé de mon rapport à la religion et à l'ésotérisme, qui est inexistant. Le chamanisme est, dans cette histoire, un prétexte pour faire interagir humains et animaux. En tout cas au départ. Le fil s'est développé et est devenu un vrai thème. Les prétextes, c'est bien pour commencer les histoires, mais pas pour les finir. Alors là, c'est marrant parce que tout le monde est en train de regarder la couverture pour essayer de voir où est le Roi Ours. Et Julia vient de donner la solution. C'est pas gentil, il fallait laisser les gens galérer. Oui, ils avaient l'air de galérer déjà. Si, je l'ai vu, c'est la silhouette sur les branches. Ça, c'est juste qu'il n'est pas impressionné, apparemment. Si, c'est beau, c'est très bien fait. Non, pour montrer sa présence peut être physique dans l'histoire et aussi qui peut être son spirituel. Ça aurait été très bien. Je crois que je suis pas assez défoncé parce que je le vois pas, moi. Si, regarde les branches. Et même la feuille, c'est son œil. Tu c'est vois, un feuille, ours, Abe. Feuille, bravo. Son œil. Il plie les yeux de manière très très bon, on va laisser Abe réfléchir et on va reprendre. Ah oui, c'est bon. L'inter... C'est, ah, c'est bravo bon. Ouais ouais. Kabil, effectivement, maintenant, je bravo, Kabil. En tout cas, bah, merci pour avoir répondu. Je retourne à la... pour avoir vu, pardon. Je retourne à l'interview et je disais donc, évidemment, ça redonne, redonne envie de revoir Princesse Mononoké. Et si je comprends bien, il y a donc plusieurs autres couvertures alternatives jamais montrées. Ça donne envie. Je me suis mal exprimée. Les autres couvertures ont été imaginées mais pas dessinées. Je dessine beaucoup dans ma tête, en fait. J'ai fait un peu de tasse sur papier pour cette couverture. Alors, d'ailleurs, vous n'étiez pas à Angoulême. Non, j'y ai jamais été, on m'a jamais invitée. Ah bah ça c'est une erreur à rectifier les gars, je sais pas si vous nous entendez. Ah ouais, mais bien non, sûr qu'ils nous entendent. Non mais, non, mais sans déconner, c'est... franchement c'est une très très belle BD. Excusez-moi, je oui, mais elle est sortie en 2015, donc là, ce dont on parle est plus vraiment d'actualité. Oui, oui, bien sûr. Par contre, sa prochaine BD, qui j'espère sortira dans le moins de temps possible, et si vous voulez aller voir son Instagram, que je vais retrouver l'adresse, bah ouais, carrément. Il y a des extraits de planches en préparation, ça a l'air magnifique. Parce que, moi, je m'y connais pas tellement que ça en dessin, mais l'histoire, franchement, elle est très bien foutue. Bah, du coup, on va peut-être passer l'autre question que j'avais posée. En effet, bah, surtout ce qui était à l'époque le plus gros truc à Angoulême, c'est-à-dire Riyad Satouf qui avait dénoncé le fait qu'il n'y ait quasiment aucune femme qui est... ou même aucune femme, tout simplement, qui est donc... De qui soit nominé, il me semble, ou qui même ait une récompense à Angoulême. Donc, elle disait qu'on s'était beaucoup focalisé sur Riyad Satouf, mais beaucoup d'auteurs, d'autrices en ont parlé, même en premier de lui. Mais c'est juste parce que lui, il est très médiatisé, quoi. En tout cas, il l'était à ce moment-là, quoi. Et en fait, moi, je demandais ensuite... à propos du festival d'Angoulême, justement, je me demandais si le Turbo Média n'était pas... pourquoi il n'était pas représenté. Le Turbo Média, c'est une forme de légère animation de la bande dessinée avec des mouvements ou même juste du texte qui apparaît au fur et à mesure et qui permet une lecture case par case. Et... du coup, je me demandais pourquoi c'était pas du tout représenté. Et comme donc Moby Dick, vous avez travaillé sur Les Larmes de Sirena et avec le passé d'animatrice que vous avez, je me demandais si vous pensiez que c'était peut-être pas justifié le fait qu'il n'y ait pas du tout de Turbo Média au festival d'Angoulême. Alors Angoulême, c'est un festival d'éditeurs. C'est normal que ce soit focalisé sur le livre. Le Turbo Média, je connais mal, mais ça appartient au monde du web. C'est dur à mélanger. Je vois mal comment intégrer la BD numérique dans un univers... Dans un festival. Dans un festival ouais. Sur la BD papier, concrètement. À part au Festiblog, en fait. Ça me semble plutôt compliqué, quoi. Ouais, mais là, c'est plus le thème. En parlant d'animation, l'idée d'une adaptation a dû se poser. J'adorerais que quelqu'un s'y colle, mais ce ne sera pas moi. Il n'y a eu aucune proposition allant dans ce sens. C'est rare, une BD adaptée en film d'animation. Alors, Bill Cass propose... Petit rectique. Petite rectification. On a adapté Boule et Bill au cinéma. Voilà, mais c'est faux. Tintin qui a été également adapté. Je parle. Plein de trucs. Oui, mais là, elle parle. C'est rare une BD adaptée en film d'animation. Oui, c'est différent. Oui. Parce que même là, je pensais Lou et je me suis dit non, Lou c'était. Et c'est en live. Action. Ouais. Et moi, je pense juste à Zombielennium dernièrement. Ou à Astérix et le domaine des dieux. Ouais, mais après, les BD comme ça, avec sans discréditer les BD plus modestes, les BD comme Astérix, Boule et Bill et tout, ça relève plus de la pop culture que de la BD vraiment, exactement. Tu vois. Mais moi, honnêtement, j'ai jamais lu une BD de Boule et Bill, mais je connais le concept, tu vois. Je vois le film, je comprends le concept. Astérix, pareil. C'est... Même quelqu'un qui n'a jamais lu Astérix, ok, je comprends le délire. En tout cas, je reviens à l'interview, c'est que l'animation, ça vient très vite à l'esprit après la lecture du Roi Ours, parce que le cerveau anime les cases, anime les personnages, et ça va vraiment avec. Oui. Et puis... Bilka, qui est un ami scénariste, n'est-ce pas, et moi, en fait, on a relevé des problèmes qui pourraient subvenir à une adaptation de l'animation. C'est notamment la nudité des personnages. Quand on voit l'amalgame animation est égal pour enfants, et les problèmes qu'a pu rencontrer, par exemple, Kirikou en France, ouais, et surtout aux je US... Je me rappelle quand c'est sorti, j'étais gosse. Ouais. Putain, ça fait scandale. Ah, on voit des seins et tout. Ouais. On voit des fesses et des enfants voilà. À poil. Et du coup, tu sais que je l'ai vu avec ma classe, moi. On est allé voir au cinéma, c'est toute notre classe. Donc je me rappelle pas de cette polémique, en fait. Si, parce si, que, si, genre, si. Pour la blague, le parrain de ma classe, c'est le réalisateur de Kirikou. Oh, c'est pas vrai. Donc là, ça fait marrer. Michel comment? Michel Oslo. Michel Oslo, putain, je le kiffe. Et du coup, ma question, c'était, on peut se demander si vous, Moby Dick, vous penseriez à changer des éléments, si jamais une adaptation en animation était faite. J'ai dessiné Xipil nu dans une volonté de désacraliser le corps, surtout féminin. Au début, je me suis posé la question de lui mettre ou non un soutien-gorge. Et il m'est apparu évident que ce n'avait pas de sens, à part de lui coller notre pudeur de civilisé qui ne concerne en rien sa culture. Pour la même raison, je ne lui ai pas rasé le pubis ni les aisselles. Si c'est pour la rhabiller, autant la laisser sur papier. Bah, moi je suis d'accord, et puis je trouve également que la nudité dans Le Roi Ours souligne l'animalité des personnages. Est-ce que c'était une volonté de votre part de montrer les humains comme des animaux comme les autres finalement? Exactement, replacer l'humain dans l'arbre du vivant, c'est un thème qui m'est cher. Dans ce thème, il y a pour moi presque une idée d'apocalypse dans Le Roi Ours. Peut-être parce qu'avec mon vécu, je vois des anachronismes qui me font dire que l'histoire pourrait se passer dans le passé ou comme dans le futur. Un monde où les hommes sont poussés à retourner aux bases, en fait, à retrouver un contact avec la nature. J'aime bien l'idée. Je n'ai situé l'histoire ni dans l'espace ni dans le temps. Tout est donc possible. Et dans le paysage fictionnel actuel, en tout cas l'année dernière, je pense qu'il y a cette même évolution. Quelques années plus tôt, la fiction de fin du monde séduisait beaucoup, et maintenant il y a plus une idée d'après fin du monde, comme on pourrait le voir dans Fallout, le dernier qui est sorti, Fallout 4. Et, 76. Oh, non, pas le multijoueur qui est affreux. Non. Ou Horizon Zero Dawn, que tu connais très bien, Abe, ouais. Pour citer des jeux, car en film, ça me vient pas moins facilement, en fait. C'est rigolo. Ouais. Non, alors Moby Dick n'était pas saoul durant la table. Non, ça c'est que de moi. C'est rigolo que vous me parliez de ça. Mon prochain album devrait vous plaire. Ah, c'était ma prochaine question. Si c'était un thème qui vous plairait? En effet, je l'attends avec impatience. Et en fait, on a enchaîné sur une discussion qui portait plus sur les jeux vidéo. Ouais. Et c'est vrai que Moby Dick avait hâte de jouer donc, à Horizon Zero Dawn. Mais elle a pas quel sorti. Âge, Moby Dick? Parce que je sais pas, j'imagine la trentaine. Est... Je ne saurais pas si tu es. J'ai l'impression qu'elle est assez jeune. Ça dépend de l'espèce, entre 200 et... Après, la culture populaire étant celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, j'aime pas ce mot, geek, entre guillemets, on a généralement les mêmes références. Oui, mais voilà, ça sous-entendait qu'elle avait... Et puis 40, avait 30 ans, c'est la génération jeux vidéo, hein, juste pour citer. Plus 30 ans maintenant. La moyenne d'âge des joueurs en France, c'est 35 ans. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Là, il faut savoir que pour le truc, c'est pareil, on dirait il y a pas mal de failli joueurs, c'est parce qu'on compte aussi dans les chiffres tous les jeux de téléphone, tous les jeux de Facebook. Donc ça peut fausser dans ta tête. Ça fausse un peu, je pense. Ouais, parce que les jeux mobiles, c'est quand même bien de la merde. Voilà, non mais c'est parce qu'on compte tout ensemble, on peut pas se dire il y a les vrais jeux et il y a les autres. D'accord. Mais, parce que est-ce qu'on peut considérer un vrai joueur un mec qui joue un jeu mobile parce qu'il se fait chier dans le train? Si tu lui demandes, lui non plus, il ne se considérera pas gamer. Ouais, donc voilà, c'est en effet un petit peu... Mais je vous crois avec les chiffres. Hein. Moi, je ne suis pas du tout jeu vidéo. Même jeu mobile, pas du tout, mais ouais, enfin ouais. On te fera un petit stage, t'inquiète pas. Ouais, merci. Je reviens des promesses, toujours des promesses. À ma prochaine question qui était en rapport donc, un petit peu avec le jeu vidéo, c'était justement pour les combats dans Le Roi Ours. Vous êtes inspiré de quoi? En voilà une bonne question, je ne sais pas. Parce que du coup, je pense par exemple à Bastien Vivès et son amour pour Street Fighter. Je ne saurais pas dire à quoi j'ai pensé à ce moment-là, mais ce n'était pas facile à sortir. Petit spoiler pour la scène dans le village. Bah, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est votre goût pour la perspective. Si je reprends dans l'interview un amour de BD. Je ne sais plus ce que j'y ai dit, probablement que j'avais du mal avec la perspective. Oui, c'est ça. Je me soigne, ceci dit, ça va de mieux en mieux. Vous écoutiez quoi comme chanson pendant que vous dessiniez le roi Wurs? Moi aussi, j'ai ma BO que j'écoutais en dessinant certaines scènes pour être dans l'ambiance. Il faudrait mettre le lien. Oui, pour t'inquiète, mais le lien est juste après. Mais c'est... T'es pas obligé de dire HTTP de. Ce sera une musique de jeu vidéo plutôt que de film, si tu veux bien. La BO de Alone in the Dark par Olivier de Rivière. Et c'est vraiment indépendamment du jeu, parce que je n'y ai même pas joué. Donc, les 5 CD qui tournent pour Moby Dick, c'est quoi? Donc, il y a un nom. Alors, Caro Emerald, Deleted Scene from the Cutting Room Floor, Woodkid, The Golden Age, of course. Tom Waits, Blood Money, Skakapunk, petite faute, Skakapunk, sûrement moi, pardon, Skatopunk, c'est donc le titre c'est The White Pixel Ape, Gotham Project, La Revancha del Tango. La Revancha del Tango. Ensuite, je lui ai demandé, encore sur le jeu vidéo, en fait, quel jeu l'avait marqué. Et elle m'a répondu, pour elle, c'était Abzu, Shadow of the Colossus. Et j'ai demandé, par exemple, en fait, Ico, du coup, c'est votre première baffe vidéoludique ? Pas du tout, j'ai pas tant aimé Ico que ça, un peu répétitif. Je ne le rejouerai pas, je pense, alors que The Last Guardian et Shadow of the Colossus, ouais, très certainement. Bah, pour moi, c'était la fin de Red Dead Redemption. Ça m'a fait réaliser à quel point les jeux vidéo pouvaient provoquer des émotions. Nah, pas encore fini Red Dead, je l'ai laissé en plan. Faudrait que je le reprenne, ouais. Je ne dirai rien. Mais j'ai eu pas mal de baffes vidéoludiques dans ma vie. Je sais plus quelle était la première. The Last of Us en est une. Ah, c'est vrai, elle a dit ça. Hey. J'approuve. Et puis après... Total. Ah oui, Portal. Oui, bonjour. Ouais, Portal, c'est ma plus grosse baffe. Ah, Portal. Ah, j'adore. C'est quoi Portal. Ah, oui, oh, vous étiez cool. En rythme, mais qu'est-ce donc? Et outré, Portal. Portal 2. J'adore Portal 2. Faut aimer tout ce qui est les puzzles, ouais. Tu vois, c'est... Alors, c'est énigmatique. C'est sur un fond d'histoire quand même assez cool, avec une intelligence artificielle. Les robots, voilà, c'est plutôt... Ce qui te plairait, c'est les répliques de l'intelligence artificielle. Ouais, grave. Ça te plairait. Ah ouais. Excellent. Mais sinon, le jeu en lui-même... Je suis pas sûr. Je suis pas très jeu de base, mais comme je disais à Jonas avant de commencer l'émission, ce Noël pour mon petit cousin, que je fais un petit coucou, je lui ai acheté. Chacun son cousin, ok. Ouais, je lui ai acheté Assassin's Creed. Lequel? En fait, c'est un jeu où il y a 3 jeux. La trilogie des dieux. Il y a la trilogie des dieux. C'est ça. Je lui ai acheté Syndicate et aussi The Witcher 3. Eh ben, via mon petit cousin de 12 ans, je redécouvre ces jeux vidéo. Alors, Assassin's Creed Syndicate, la BO a été composée par Austin Wintory, celui qui a fait la musique de Journey, qui est un excellent compositeur. Voilà. Mais les musiques sont très cool. Hein. Ouais. Ça me fait penser aux musiques que Guy Ritchie met dans ses films, dans Le Roi Arthur et dans Sherlock, une musique un peu anglo-irlandaise, un peu très rock avec des cordes et tout. Il y a sûrement un lien, oui. Ouais, il y a un lien, mais j'aime bien les musiques de cette époque et de cette culture-là, c'est très beau. Bah, du coup, après cette petite interview, je vous laisse un peu carte blanche pour parler de la fin de... Vas-y, Bilka. Je voulais rebondir sur le fait de l'adapter en animation ou pas. Franchement, la France. Non, mais même le monde de l'animation, la France surtout, parce que on va pas se mentir, au Japon ils le font déjà. D'ailleurs, on va en parler avec Ghibli, mais en France, un film d'animation comme ça, ce serait vraiment magnifique, parce que en lisant les pages, tu vois qu'elle a vraiment soigné ses dessins. Il y a une telle ambiance, les décors et les visuels sont tellement beaux que j'imagine vraiment être une forêt. J'entends des bruits d'animaux, j'entends des bruits organiques, des bruits d'eau, de feuilles, de vent et tout. Et je pense que lire cette BD avec une musique en fond, une musique instrumentale un peu minimaliste, ce serait vraiment alors moi, moyen j'avais... de bien profiter ouais. de cette BD. J'avais créé une playlist mais ça pour me pas. Lire cette BD. Et ça je m'étais mis pas. Dans un espèce de... Je sais pas, j'avais pas forcément fait exprès de choisir ces chansons-là, mais elles collaient parfaitement. Et du coup, j'ai gardé cette playlist. J'ai même partagé du coup à Moby Dick, c'est pas dans l'interview, mais bon, elle a trouvé ça rigolo, mais c'est... Ouais, il y a une expérience ouais. sensorielle avec cette BD. Et on l'ajoutait à la musique. C'est... Ouais, en plus, tu parlais de Turbomédia avant, c'est aussi que ça rajoute des fois. T'as certains. Oui, oui, c'est vrai. Parce que le Turbomédia, je crois que ça définit aussi même juste des mélanges de médias narratifs. Ça peut être de la BD plus autre chose. Et des fois, oui, t'as de la musique. Et y a quelques webcomics comme ça que je suis, qu'on sur certains passages de la BD, ils vont switcher avec des fois des animations plus fluides et il va y avoir de la musique et tout. Et là, tu vas te faire emporter. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est tout ? Oui, c'était tout. Juste pour dire que voilà, elle a pas à avoir honte de son œuvre. Je pense que si elle va voir des boîtes de prod en disant voilà, je fais cette BD, elle a une audience et je cherche à l'adapter en animation, je pense qu'elle a toutes ses chances. Elle peut, elle peut franchement trouver après même clairement. Par rapport à la nudité, etc. La France, c'est pas forcément les projets qui vont être les plus connus, qui vont aller dans toutes les salles de France, mais ça peut faire. Ça peut faire. Bah, récemment, la Tortue Rouge. Ils sont à poil, il me semble. Ou non, les couverts. Je crois qu'elle a un pagne film. C'est de ce que je me souviens, avec ses longs cheveux rouges, elle a genre juste une espèce de toche beige. Ok, d'accord. Je crois. Bah, en tout cas, je suis content que finalement on n'ait pas raconté toute la suite de l'histoire parce que je vous invite et je pense qu'on se joint tous à vous la recommander. C'est une BD fabuleuse qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. On aurait besoin de plus de BD comme ça. On aurait bien besoin de ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Peut-être un petit détail aussi, mais j'aimais beaucoup les dialogues parce qu'il y a une manière de parler qui fait très bouquin. Enfin, tu sais, des fois dans certains bouquins, tu te dis ça marcherait pas forcément complètement à l'oral parce que c'est peut-être trop réfléchi comme manière de parler ou un peu trop solennel. Mais j'aime bien, moi, lire ça. Oui, après, je comprends ce que tu veux dire. Et après, c'est le registre dans lequel tu t'inscris. Hein. Tu vois, les dialogues du Seigneur des Anneaux, ça, c'est des bouquins. Exactement. Voilà, c'est des répliques qui se veulent épiques. Oralement, ça se dirait pas, mais comme ça se veut épique, solennel. Et tu peux le faire bien. Il y a des fois où, notamment dans les films Peter Jackson, etc., où ça marche pas, et puis d'autres, parce que tu es là, genre, oh là là, la réplique 2000. Et il y a des fois où ça passe très naturellement t'es pas bloqué dedans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça sent un peu le pain grillé. Ouais, ça sent le pain grillé, ce que j'allais dire. Derrière, il y a vous entendez, bande de cons. On va laisser un truc sur le feu, Jeunesse. Oh non, t'inquiète. Mais en tout cas. Non, ça sent vraiment le. Ouais. Ça sent. Va regarder. Ouais, ça sent vraiment le. Ouais. Bah oui, bah écoutez. Attends, ça se trouve, c'est. c'est la table qui prend feu. Et puis il était en train de sniffer sa table de mixage. Non, c'est ma boîte qui fait le pain grillé. Mais du coup, avant de partir pour le monde du Ghibli, on va faire partir vers l'Est, donc vers l'Asie. C'est on va faire un petit détour par la Chine. Ça vous dit? En plus, j'ai vraiment dit quelque chose. Ah ouais? Oui. Je ne traduirai pas parce que c'est tout public cette émission. Allez, c'est parti pour You Garden de Saïd. Ah, ça, on y marche à habille. C'est très raciste ce que tu viens de dire, parce que tu... je sais très bien ce que tu as dit, c'est méchant. Mais j'ai dit, le paysage doré est-il profond à l'est. Ça se trouve, c'est une grosse insulte. C'est carrément ouais. sexuel. Honnêtement, c'est une insulte que j'ai dit, mais je ne sais pas. Ça, on y va. Alors, c'était donc You Garden de Saïb, qui nous vient de Casablanca. Et. Bah, toi, attends. Attends, quoi ? Depuis tout à l'heure, tu nous présentes des mecs qui ont un blaze qui vient de là-bas, mais en fait, ils viennent d'ailleurs. Ah, c'est le thème de l'émission, et oui, c'était le thème caché. Ah là, tous les mois, on fera un thème caché. Et le thème aujourd'hui, c'est les conséquences de la décolonisation. Non, mais attends, pendant un moment, j'ai bugué, j'ai essayé de comprendre, mais c'est où aux États-Unis ça? J'ai complètement bugué. Le mec Casablanca, il tape de la musique chinoise. Mais en fait, il a fait un album... où il voyage à travers le monde grâce à cet album. C'est assez génial. Ah bah c'est très beau. Et attends, je vais passer une autre chanson qui s'appelle Tales of Africa. Et justement, tu vois, là, c'est plutôt... Africa. Mais il a fait comme ça tout un album génial où il parcourt le monde, un monde musical. Et je pense que c'est un gars qui est très très curieux. Et donc, qui vient de Casablanca... qui sort vraiment des chansons extra de plein de pays différents et je pense qu'il est très influencé par la culture asiatique et japonaise surtout et notamment par les animés. Par exemple, il a fait des belles chansons sur Cowboy Bebop. Il a sorti un album carrément hommage à Cowboy Bebop que Jules ici présent, Julia, oui. doit revoir. En version anglaise, parce que c'est c'est une série qui a un très bon mot de fin qui dit en clair, cette série, tu la portes toute ta vie en toi. Et je crois que c'est vrai. Enfin, c'est beau, putain. Un jour, faudra qu'on en parle, mais Cowboy Bebop, c'est effrayant d'en parler, parce qu'il y a trop de trucs, quoi. C'est trop... Ah, c'est putain. Je sais, classique. Putain. C'est comme... intemporel. C'est comme parler de nos chers... bonjour, je suis des enfants, je vais dans des robots, je m'appelle Transformers. Je vais dans des robots, Power Rangers, Gundam, Power Rangers, Voltron, des enfants dans des robots. Mon Dieu, Stuart Little, Power Rangers. Ah mais là je bug vraiment. Stuart Little, c'est des enfants dans des robots. Mais non mais allez. Oh mon Dieu, j'adore cet animé. Des enfants dans des robots. Alors, Évangélion. Merci. Oh, voilà, mais comment t'as pu. C'est pareil. Honte à toi, Julien. Honte, mais tout le monde à table. Enfin, même Code... oui, honte à toi d'avoir résumé ça à des enfants dans des robots. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Code Geass aussi. C'est... Comment dire. C'est de la façon la plus. Attendez, pas tous en même temps. C'est ça. Intemporel, t'as juste à dire Dragon Ball Z déjà. Ouais. Pas de la même manière. Évangélion et Cowboy Bebop, c'est pas le même style. C'est. Comment dire. Plus un essai, enfin je sais pas comment résumer ça, mais Dragon Ball c'est vraiment une série, tu vois, qui va s'étaler sur la longueur. C'est comme comparer un film à une série comme Lost. C'est pour ça que je dis le format est un peu différent quoi. Voilà. Tu veux dire, il y a une vraie narration, un début, un milieu, une fin. Exactement, merci de résumer, d'expliquer ce que je viens de dire. ça dépend, pas pour Overwood en tout cas. Mais si, semble. Elle est très finie. L'éditeur, ils ont dit rallonge ton histoire. L'auteur dit non, mon histoire elle est finie là, mon message est fini. On en parlera un jour parce que Robert Wood, pas le fou. Je n'aime pas par rapport et le temps file vite. À l'animation. Oui, moi je préfère l'animation que l'ancienne. Oui, c'est sorti sur Canal Plus et tout. Ah, quand on rentrait du collège. Ouais, non, mais l'histoire est mieux dans Brotherhood. Bref, voilà. Elle suit plus le manga. Oui. Et j'aime moins le manga. Voilà, c'est pour ça. Comme j'aime moins l'histoire. Ouais, on fera une émission là-dessus. Voilà. Le Japon. Le Ghibli, le studio Ghibli. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est quoi? Alors, le studio Ghibli ou Ghibli est un studio d'animation japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Et oui, et le nom du studio, tu l'as dit, à deux prononciations. Exactement. Ou de l'ice tea, non, qui coule. Exactement. C'est pas du tout quelqu'un qui a une fuite urinaire, hein, je vous rassure. C'est ça, c'est Hayao Miyazaki qui a choisi le nom du studio en référence à l'avion de chasse italien de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle le Capronicea 392 Ghibli. Merci Wiki. Oui, c'est ça. Donc la prononciation originale italienne, c'est Ghibli, mais à la japonaise, c'est Ghibli. Ghibli. Du coup, voilà, au Japon, on dit Ghibli, et en France, on utilise la prononciation italienne, Ghibli. On dit Ghibli, si c'est. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Bika, t'es sûr, t'as lancé. C'est beau. Donc, voilà, qu'est-ce que le studio Ghibli, brièvement. Alors, le studio Ghibli est un film... est un studio, le tout premier studio à faire de l'animation, des longs métrages japonais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, alors, durant le 20e siècle, les Japonais ont fait l'animation du monde. Tous les dessins animés américains, italiens... Ségolène Royal, vous connaissez. Tous les dessins animés italiens, américains, ont été faits par des animateurs japonais. Donc leur spécialité, c'est de faire des séries, des épisodes courts d'une vingtaine de minutes, ou alors des OAV, des épisodes téléfilmés de 5-6 épisodes qui ont en moyenne... C'est un acronyme OAV, c'est quoi ? Oui, Original Animation Video. Merci. Voilà, n'est-ce pas ? Vous pourrez vous la péter en soirée, quoi, ça se filca. En fait, ce sont des longs épisodes qui durent en moyenne une heure, et donc une série de OAV, il y en a en moyenne entre 6 et 10. Et JAV, c'est quoi ? JAV ? La vérité, je sais même pas. Ah mince, bref. Japanese Adult Video. Dame. Bon, on parle de Ghibli. Jonas, arrête de dire ça, c'est dégueulasse. Bah alors, et donc les studios Ghibli, ce sont les tout premiers à faire des longs métrages d'animation. En moyenne, les films durent 2 heures. Donc ce sont les tout premiers à faire ça. Déjà d'une, parce que ça coûte très très cher de faire de l'animation au Japon. C'est pour ça que la majorité, à cette époque-là, la majorité des projets, c'est des projets qui sont financés par des compagnies étrangères. Ça coûte cher, les crayons. Ça coûte très cher, parce que bah, les gars ils font pas semblant. Ils charbonnent, quoi. Ils charbonnent comme des pourceaux. C'est le cas de le dire. Ils se niquent la santé, d'ailleurs. combien de... C'est vrai que c'est assez marrant, parce que oui. les films du studio Ghibli sont souvent genre une ode au fait de sortir de chez soi, profiter de la nature, pendant que eux, ils sont enfermés pendant 5 ans à faire un film. Mais c'est ça. Mais c'est propre à leur culture, ça. Ils ont une discipline envers eux-mêmes incroyable. Leur vie entière, enfin, tu signes une fois et tu sors plus jamais. Ouais. C'est sûr. Mais en même temps, je pense pas que t'aies envie de sortir de chez Ghibli quand t'as signé. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, quoique, il y en a un qui s'est barré, qui est devenu un réalisateur incroyable. Et qui a fait d'autres... qui a créé son studio. Je sais pas s'il l'a créé, mais il a pris son essor. Et c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Il s'appelle Mamoru Hosoda. Ouais, et moi, c'est le réalisateur des enfants loups. Quoi ? T'es un Jonas, t'es mort ! Les enfants loups, j'aime pas, vraiment. C'est magnifique, ce film. Ah, mais Yuki, j'aime pas. Ouais, je suis parcelle sur ce film. Summer Wars, La traversée du temps, Le garçon et la bête. Ça, c'est autre chose. Je parle pas du mec, je parle juste de Ame Yuki, mais ouais, les autres, magnifique. J'ai pas le même avis. Mais Ame Yuki, je le regarde, je pleure à la fin à chaque fois. Mais justement, moi, il m'a fait un effet un peu trop tire-larme. J'étais un peu trop en mode. Ah, puis il meurt, et puis elle a des bébés, et puis il faut les occuper des bébés. C'est trop dur. Après, ça restait mignon parce que. Il y a plein de films japonais où t'es juste content de voir des gens faire la cuisine et faire du jardinage. Je sais pas pourquoi, t'es juste content. Oui. Tu regardes ça et t'es bien. Mais voilà, là. Je trouve ça magnifique. L'histoire, ce film est magnifique. Ah. Il m'a. Magnifique. Ginger, sur sa chaîne YouTube, elle disait que les Ghibli, ça lui donnait faim. Ah bah oui. Ça, il y a des best-of sur internet de toute la bouffe des films Ghibli, de l'animation japonaise en général. Mais c'est vrai que c'était bien ce petit résumé de l'histoire, parce qu'on va pas forcément s'attarder sur expliquer c'est quoi Ghibli et tout, parce que je pense que la majorité d'entre vous doivent connaître toute cette histoire. En tout cas, c'est juste pour résumer rapidement que le réalisateur, en tout cas principal, Hayao Miyazaki, j'ai mélangé les deux personnes. Hayao Miyazaki, en fait, il est Et donc, le studio Ghibli est pacifiste et écologiste et mettent ça vraiment dans leurs films. C'est des idées qui les portent. C'est souvent très poétique, très, très beau. La place des femmes est fabuleuse par rapport à des Disney, par exemple. Et, n'est-ce pas ? Et il y a pas de. Et c'est, par exemple, à la fin de, de Princesse Mononoke, tu dis y avait... c'est qui les méchants dans le film ? Ben alors, c'est ça qui est beau. Ce ne sont pas des méchants, des villains comme des Américains. Hein. Ce sont des antagonistes parce qu'ils bloquent le héros en faisant des obstacles. Mais comme tu dis, ils ne sont pas manichéens, ils ne sont pas méchants. Comme l'a dit Miyazaki dans une interview. Miyazaki dans une interview. Putain, c'est Miyazaki, genre. Tu sais, tu me. Premier prix, tu vois. Tu me contamines là avec ton faux parler, tu me contamines. Non, comme l'a dit Miyazaki dans une interview, il dit je ne fais pas de personnage méchant à part dans le conte de. Terre et mer ? Non, ouais. Ouais, mais là, mais c'est une adaptation oui, voilà, aussi. Il y a une partie des Ghibli qui sont des adaptations, il y a une partie des Ghibli qui n'en sont pas. En fait, c'est son fils qui l'a réalisé. C'est ça, c'est l'autre Miyazaki. Mais dans ces films, les méchants, entre guillemets, ce sont des personnes qui ont fait le mauvais choix où il fallait choisir la nature, la bienséance, la compassion au mépris de l'avidité et de la technologie, de la modernité, qui est le sujet principal de tous ces films. Et en fait, j'ai découvert que vous saviez ce que faisait le papa d'Hayao Miyazaki. Oui, il vendait des pièces d'aviation. Non, c'est son oncle. Il fabriquait des avions de guerre. Voilà. Non, ouais, des pièces, plus précisément, des pièces de gouvernail. Ça a inspiré tout son travail. Les machines dans les films de Miyazaki, en général, c'est légendaire. En tout cas, apparemment, il a toujours gardé ce ressentiment pour la... sentiment de dégoût pour la violence. Dans tous ses films. Et par contre, il gardera le goût pour les avions, ces machines utilisées à des fins atroces alors qu'elles peuvent permettre de choses absolument magnifiques. D'où son, entre guillemets, dernier film qui a fait débat de Le Vent se lève. Voilà. Enfin, moi, je l'avais vu, je crois qu'en plus, je l'avais vu à Annecy, donc au plein milieu de plein de gens de l'animation. Qu'il y avait plein de gens, forcément, qui étaient très à fond, qui voulaient dire leur avis. Et c'est vrai que c'était très. Le cochon aviateur, c'est ça? Non, ça c'est Porco Rosso. Le Vent se lève, c'est inspiré. Ouais. C'est un documentaire. D'une histoire vraie. C'est l'histoire vraie. C'est sur un avion très célèbre de guerre. C'est l'histoire vraie d'un mec qui a vraiment existé. C'est un. Voilà, c'est un. J'ai raison en fait. Non, c'est pas un documentaire. Non, mais oui, je dis juste, genre, c'est inspiré d'une histoire. Mais dans la forme, ça n'en est pas un. Oui, dans la forme, mais ce que Didi, c'est que. Ça existait en fait. Oui, c'est vrai qu'on dit une histoire vraie. On dit un biopic. Voilà. Oh, c'est bon, tu racontes pas. Mais oui, en effet, donc c'est l'histoire vraie dans pas mal de trucs, d'autres moins, où, du créateur du fameux avion Zéro, le Mitsubishi Zéro, avion qui est extraordinaire, qui a permis aux Japonais de... Qui a changé la donne, quoi. Enfin, Ouais, voilà. C'est ça. Et il a fallu que les Américains capturent des Zéros... pas vivant, mais je veux dire en état, pour pouvoir copier et voler les pièces et pour les mettre sur leur F6, F5 et tout, les corsaires et tout le bazar, quoi. Pour que leurs avions puissent rivaliser avec les avions japonais qui étaient extraordinaires. Et ça raconte donc l'histoire de ce créateur d'avions qui finalement veut juste... C'est comme s'il était un peu ingénu, il veut faire des avions, lui. Il s'en fout que ça serve à des guerres. Un peu comme Werner von Braun qui voulait faire des fusées. Oui. Si c'est utilisé par les militaires, il s'en fout. Enfin, il y a cette ambivalence qui est dans le film, mais c'est à la fois très très beau, il y a une histoire d'amour et la musique me fait pleurer à chaque fois. Moi, j'avais pensé que c'était une très bonne culture de carrière parce que c'était vraiment... à propos de lui, enfin de ses intérêts. Ouais. Je comprends que les gens s'attendaient à avoir un truc style Mononoke, Chihiro, onirique, avec des créatures, des globes et des machins bizarres. Globes. Non, mais ça revient souvent, ces espèces de créatures gluantes qu'il fait. Les cheveux mais aussi. Mais voilà. Vas-y, dis. Par contre, ouais, justement, pour finir avec ce que tu dis, c'est pour les gens qui connaissent pas les dessins animés Ghibli, commencez pas par Le Vent se lève. Oui, juste parce que on vous vend en fait tout ce que Julia vous a dit et soudain on vous met devant Le Vent se lève et ben voilà quoi, mais vous savez pas trop comment réagir. C'est parce que moi vous m'avez fait voir celui-là en premier Ben non, je te l'ai pas fait voir, moi. Ah, je me rappelle plus. Si, si, elle m'en a parlé déjà tout à l'heure, ça lui tient vraiment à cœur. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui sont parfois traumatisés par des films Ghibli parce qu'ils sont pas préparés. Ah bon? Oui. Ma copine, c'était Le Voyage de Chihiro, par exemple. Et petit à petit, je lui remontre des Ghibli. C'est une belle histoire. En lui expliquant les trucs derrière, la façon de les voir et tout. Et elle les voit d'une façon complètement différente. Chihiro, c'est vrai que surtout si on voit ça jeune, peut-être, c'est un film qui fait vachement appel aux peurs d'enfants. Exactement. Bah, elle l'a vu. Tes parents qui peuvent plus t'aider, qui sont, que t'es tout seul, tu vas devoir te débrouiller et devenir adulte, entre guillemets. C'est, Dans tous ces films, il y a ça. Dans tous ces films. Moi, c'est ce que j'adore, c'est le truc de l'enfance, c'est quelque chose un peu précieux, surtout dans le monde moderne où faut grandir de plus en plus vite, qu'on attend des choses de toi. Et il y a ce côté laisser les enfants. Du coup, Didier et toi, vous avez fait un super lancement sur mon autre question. C'était il faut commencer par lequel des Ghibli? Alors, avant ça, juste petite question piège. C'est quoi le premier film du studio Ghibli? Ouais, je sais. Alors, ouais. Bon, vas-y, je suis pas sûre. Non, je suis pas du tout sûre. Vas-y, Julien. Moi, je suis. Est-ce que c'était pas un clip? Non. Non, le premier film d'animation long. Ouais, je sais. Vas-y. C'est Le Château dans le Ciel. Bravo, il s'est pas fait avoir. J'aurais pas dû dire question piège. Et oui, parce que Nausicaa et la Vallée du Vent, il l'a sorti. Avec un autre studio? Non, il l'a sorti avec le studio Topcraft. C'est d'ailleurs. Didier! Ouais, c'est ça. C'est grâce à la faillite de Topcraft qu'ils ont pu fonder Ghibli. Grâce ou à cause? Non, c'est grâce. J'ai dit. Enfin, tristement pour eux, ils ont fait faillite. Et donc, du jour au lendemain, il y a toute une équipe d'animateurs qui se sont retrouvés à la rue. Donc, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ils ont dit, les gars, grâce au succès de Nausicaa, on s'est fait un peu de blé. Venez avec nous, on crée un studio, on repart sur d'autres choses. Alors, du coup, répondez à ma question maintenant. Vous, c'est par lequel il faut commencer? Je peux commencer? Vas-y. Alors, tour de table de gauche. Alors, mon avis, c'est mon film préféré et c'est celui qui permet de rentrer vraiment dans le monde de Miyazaki. C'est celui qui permet de rentrer vraiment dans l'univers de Miyazaki, autant dans l'histoire que dans le graphisme, c'est Princesse Mononoke. Ok, à toi Didi. Alors, c'est celui où il y a l'espèce de... Le monde est toxique? Non, c'est Nausicaa et la Vallée du Vent. Princesse Mononoke, c'est la meuf qui est... l'enfant loup, quoi. D'accord. La meuf qui est avec des loups. Expliquez peut-être un peu le film que vous proposez. Je ferai ça un petit peu après, parce que là, je veux juste faire le tour de table rapidement, parce qu'on doit malheureusement se dépêcher un peu. Je peux pas donner un très bon avis, parce que, en fait, vous m'avez fait voir Le Vent se lève, et ensuite, j'ai juste vu Le Château ambulant, et j'ai pas vu le reste. Enfin, je connais les deux. T'as commencé par les plus... Oui, même Le Château ambulant, j'étais pas... Le Château ambulant, il est génial. Oui, mais c'est les deux plus déprimants. Pas du tout, c'est fini. Alors, Julia, vas-y, dis-nous. J'ai adoré. Moi, je suis un petit peu présente entre les deux. J'ai envie de dire Chihiro, parce que moi, après, c'est parce qu'il me tient très à cœur. Il y a un côté Lewis Carroll. Ça a un côté un peu conte, etc. Mais après, je me dis aussi, ça peut un peu faire bizarre aux gens, je sais pas. Pareil, j'ai envie de dire Princesse Mononoke, mais peut-être que... Deux voix pour Princesse Mononoke. Une certaine personne serait pas forcément réceptive des messages. Donc voilà. Disons que si la personne aime bien Le Seigneur des Anneaux, je pense que tu lui conseilles... Moi, je dirais Chihiro aussi pour la beauté de l'animation, les personnages complètement... Ça, la beauté de l'animation, ce sera dans tous les films. Non, mais ce sera partout. Mais moi, je sais pas pourquoi j'aime bien les FX de dos, de machin, dans les bains. Les personnages, surtout, qui sont très marquants pour moi dans ce film. C'est ça que j'adore aussi avec les discussions sur les Ghibli, c'est que c'est un peu comme avec Wes Anderson, les films de Wes Anderson, c'est on se fait pas de la guerre en se disant non, c'est un film, on aime tous les films. Du coup, ils sont tous parfaits. C'est idéaliste de dire qu'ils sont tous parfaits, mais je veux dire, dans sa filmographie, il a des thématiques en commun. Donc en fait, ils transmettent tous le même message, mais tous de façon différente. Du coup, il n'y en a pas un qui va dire « Ah, c'est nul ça, ah, c'est mieux ça ». C'est pas maïkien, parce que c'est un truc de tolérance et de paix, ces films. Du coup, le fait de dire ça, c'est qu'on n'a pas compris l'esprit de ces films, quoi. Vas-y, Abe, je sais plus, c'est celui avec le monde toxique, là. Nausicaa et la Vallée du Vent. Ouais, je trouve que celui-là, il est vraiment cool. Ouais, très beau. Alors pour moi, le meilleur pour rentrer dans le studio Ghibli, c'est Porco Rosso. Pourquoi ? Parce que ça se passe en Europe, c'est un thème qu'on peut comprendre tous et tout. y a un contexte de Première Guerre mondiale qu'on connaît, qu'on comprend tous. Et en plus, il y a une VF qui défonce sa race avec Jean Reno. Moi, je trouve pas que c'est le plus pertinent pour rentrer dans l'univers. Tu vois. En tout cas, pour les occidentaux européens, je trouve que c'est plus pertinent. Parce que tout le monde n'est pas sensible. Je me suis pas connectée à ça par rapport. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me parle pas forcément le contexte. Oh. Mais parce que je pense que dans un film comme ça, t'es plus dans la frange de la population qui est plus attiré par les univers imaginaires, tandis que beaucoup d'autres personnes le sont beaucoup moins, je pense que genre il y en a qui sont plus terre à terre ou qui sont moins sensibles à l'imagination. Ouais, toi, c'est ton justement, métier. Est-ce que non, mais oui, mais je regarde des gris depuis que je suis née. Donc tiens, regarde. non mais justement, est-ce que si tu montres Porco Rosso et après tu montres Mononoke, est-ce que la personne va pas se dire ouais, c'est quoi ce, enfin, c'est mais, différent je, là. Je pense qu'avec une bonne explication, ça passe très très bien. Moi, avant chaque fois que j'ai montré en fait des films à mes parents, je montrais d'abord Porco Rosso, ensuite j'ai montré Totoro, mais avant de montrer Totoro, qui est un film qui paraît en fait long et où il se passe pas grand chose, ben j'ai expliqué, ben voilà, au Japon, les enfants, ils voient que du béton, ils sortent jamais. Et ce film a été fait pour montrer un peu aux enfants japonais la forêt, la nature. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est un peu long comme ça, et qu'il faut profiter, voilà. Bah, du coup, moi, je trouve que... c'est vrai que moi, j'ai dégainé Princesse Mononoké parce que c'est mon préféré, et je trouve que vraiment tout ce qui fait Miyazaki et le studio Ghibli est dans ce film. Mais c'est vrai que si je devrais le conseiller à quelqu'un d'occidentalisé qui ne connaît pas du tout le délire, moi, je dirais Le Voyage de Chihiro. Parce que le film commence, on est dans un monde moderne, on a une gamine en voiture, avec tous les défauts qu'un gosse. Voilà, elle est impatiente, comme les occidentaux, elle s'en fout de la nature, sa mère lui dit « Regarde pas, tu vois, de la nature, elle s'en bat les couilles. » Et là, ils sortent de la voiture et ils entrent dans l'Asie, le Japon, slash le merveilleux et le monde de Miyazaki. Je pense que Le Voyage de Chihiro, ce serait vraiment celui à conseiller à des néophytes. Et puis c'est facile à vendre aux gens, tu leur dis « Ouais, c'est... Alice au Pays des Merveilles ou au Japon. Voilà. Mais c'est ce que j'adore c'est le réduire que de dire ça. Mais bon. Tu vois, en Occident, tu vois énormément de gens qui font des parodies entre guillemets de l'Asie, qui donnent leur vision de l'Asie. Mais c'est ce que lui fait par rapport à l'Europe. Ouais. Le château ambulant, tout ça, c'est des villes d'Allemagne, d'Italie, des mix, et j'adore ça. Je suis allé il y a un an au Portugal, à Porto, et j'étais dans Kiki, la petite sorcière. C'était fabuleux. Voilà, je vous recommande d'y aller si vous êtes fan. Ouais, c'est vrai. On va passer au premier quiz, parce qu'on a encore, comme je vous dis, peu de temps. On va commencer par le premier quiz. Je vous avais dit, équipe, on fait garçon-fille ou c'est gauche-droite? Non, sinon, Bilka contre le monde. Non, Bilka contre Julia, on avait dit. Non, moi toute seule, c'est mort. Non, allez, faisons t'es des pas équipes. Toute seule, faisons des t'es avec Didi. Voilà, reste avec moi. Et vas-y, Abe, il est avec toi et moi pour Abe. Ça va être sur quoi? Elle va pas m'aider, c'est un soutien moral. La prochaine fois, on fera un quiz jeu vidéo. Attends, il y a Abe qui demande quel est le sujet de ce blind test. Non, quiz ou blind test? Là, pour l'instant, c'est le quiz et ensuite, on fera le blind test. Ah, quiz. Je suis chaud, patate. Alors, évidemment, ce sera les films du studio Ghibli. Donc vous êtes vraiment désavantagés parce que j'en avais vu deux. Je sais même pas après, le titre. J'ai des extraits. J'ai vu des extraits d'autres films en fait. Alors ça peut peut-être aider. Sur ton téléphone. Non, alors cours d'animation. S'il vous plaît, donc le premier jeu, c'est un jeu de résumé foireux proposé par Julien en plus, donc ça va peut-être l'aider. On va commencer difficulté de plus en plus facile à plus en plus difficile. Ça voulait rien dire cette phrase. Okay. Alors premier résumé. Attention. Ours Clodo qui vit dans la forêt. Stop! Didi? C'est Totoro. Bravo! Ouais Didi! Un point pour Judy. On l'a dit en même temps, tu as tes avantages. Alors, AB. Laisse-moi cette victoire. AB, c'est AB. Ok, deuxième question. Oula, je vais sauter ce premier mot parce qu'on en a parlé avant. Ah? Mais avec des cochons qui arrêtent pas de bouffer alors que l'héroïne se tape tout le boulot. Bilka. Le voyage de Chihiro. Oui, bravo. Alors, troisième question. Le réchauffement climatique. Nausicaa et la vallée du vent. Non. Quoi? C'est le truc, c'est Ponyo et je sais pas quoi. C'est un complot, moi, mais en vrai c'est tous ces films quoi, pratiquement. C'est pas ça, je remercie, c'est juste j'ai passé pas un pognon. Examen là-dessus à la fac, c'est pour ça que j'ai dû examiner réchauffement climatique. Allez. Attends, c'est plus dans Nausicaa que le climat. Allez, c'est bon, accepte. Quatrième. Alors, c'est l'histoire d'un prince qui dit un jour à sa mère qu'il part. Il choisit ensuite son animal parmi trois autres animaux avec un professeur Pokémon. Nommé Shen. Ouais. C'est pas Ghibli, ça compte pas. Un point bonus, peut-être. Ensuite, il affronte plein... Oui, vas-y. Mononoke ? Bravo ! Mais d'où ? Mais d'où ? Il choisit un animal. Mais d'où, bande d'enfoirés, c'est pas vrai. Attendez, Si. Je précise que les points vont être sur... ces questions-là et sur le blind test. Non, c'est tu pas pourras vrai. Peut-être il choisit pas un animal, son cerf il l'a déjà avant de partir de son village. Mais c'est un résumé foireux. Peu importe, il part. Ensuite, il affronte plein de gens, notamment des lépreux, et pour finir, il fait combattre ses meilleurs c'est animaux naze. Pour choper la meuf et accessoirement sauver la forêt et un village qui vend des armes. Tu fais ça exprès pour pas que je gagne. Alors. J'avais hâte de voir cette face de mauvais joueur de toi. Je ne suis pas surprise, mais en même temps, j'adore. J'adore. Alors, cinquième, pardon. Je lève la main avant que tu parles. Attention. Faut. Non, ça, c'est illégal. Okay. Alors, un gars qui fait souvent des tripes d'acide sur son enfance et décide de fabriquer des avions en papier. Mais Didi c'est ce machin, là, c'est le vent. Le vent se lève, ouais. C'est les avions. Bravo. Déjà, quand t'as dit trip, quand t'as dit ouais, fait les trip d'acide. Je me suis dit... Grandeur nature, malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer ce résumé car l'histoire est tellement triste. Bon, il y a des avions. Alors, évidemment, le vent se lève. Alors, ça devient de plus en plus difficile, comme je vous le dis. Hein. Youpi. C'est parti pour le sixième. Alors, Billy va dans une ville avec son scooter volant et voit une boulangerie. Oui, j'ai... Kiki. Bravo! Yes! Oh bordel, j'ai levé la main! Non, elle est avant. Ça s'est joué, il n'y a pas grand chose. Alors. Putain. Vous êtes prêts? Il y a de la triche. Chers téléspectateurs, il y a de la triche. Plus chers écouteurs, pardon. Moi, je connais aucun titre. Il y a de la triche, bah, je lève la main en même temps. Et il va faire c'est bah le film oui, mais, où il y a oui, un mais, scooter volant. Oui, mais. En soirée, il va faire moi j'adore le film avec scooter volant. Non, mais en même temps, t'as Bill Kane dans ton équipe, ça devrait compenser pour oui. Le. Oh, la... merci de cette reconnaissance. Mais non, mais t'as un blind Jonas. Test après, t'es trop fort en blind test. Moi, c'est pour ça, j'essaie de gagner tous allez, les points. Attends, il y a combien de points là? Alors, il y en a 5-1 et il y a 10 questions. 5-1 Mais si les questions sont de plus en plus dures, on ne devrait pas avoir de plus en plus de points? Non. Alors. Jean-Pierre est un canard italien. Il adore bah être seul. Porco Rosso. Bravo. Déjà, t'as dit Jean-Pierre. Chef. C'est là le Porco Rosso. Ouais. Alors, il adore être seul et conduire des tuk-tuk. Un jour, il rencontre une jeune réparatrice de climatiseur et est obligé de se la coltiner. Après, il fait des bagarres en tuk-tuk avec son ennemi pour sauver la réparatrice de clim. Mais qu'est-ce que c'est que ces résumés foireux ? C'est foireux. En deux secondes, t'as trouvé. Donc, c'est bon, c'est pas si italien. Foireux. Alors, vous êtes prêts ? Celui-là, oui. On commence vraiment à être dans la difficulté. Hein. Le camping-car le plus chelou. Moi, ouais. C'est Château Ambulant. Oh yes oh alors, je ne veux pas faire ma raclette. Elles ont levé la main avant même que tu commences à j'avais parler. Pas levé mais la main. Non, mais elles ont compris camping-car. C'était logique. Camping-car. C'était ça l'indice. Alors, donc le camping-car le plus chelou toi, depuis Breaking Bad. Mais non, mais t'as levé la main en même temps qu'il passe. Alors que ta main arrivait au non, sommet non, de ton elle, allez, elle est meilleure allez, presque pendant un instant, allez, j'ai allez. Pensé au cat bus et j'allais dire Totoro, je me dis non, on l'a déjà oh, dit. Oh d'ailleurs, j'ai et même elle, pas elle montré eu. Mon t-shirt, tiens. Alors, c'est mesdames et messieurs, je laisse le fou à poil. Mais non, mais alors, vous êtes prêts? On est dans la difficulté. Nous sommes dans l'avant-dernière question, tandis que je montre mon t-shirt à tout le monde. Ouh. Yeah, alors c'est le chabus qu'il y a le dans chabus. Mon voisin Totoro. Le chabus oui, pour oui. Les francophones. Le chabus. Mais vraiment. Oui, on est en France. Chabes. Merde. Alors, donc avant-dernière question, avant-dernier résumé, pardon. Alors, c'est des sortes de ratons laveurs qui montent. Bah Pompoko. Bravo. Oh, oh, qui n'est pas de Miyazaki. Qui montre constamment oui. Leur couille à l'écran. Pompoko. Alors, attention, le plus difficile, le dernier. Oula. C'est déprimant. Ça fait pleurer. Mais c'est, ça, merde. Fait, ça fait pleurer que toi. Merde. Y en si, a plein. Je sais. On peut dire tous ceux qui font non, pleurer. Non, regarde pas ton écran, toi. Non, attends, c'est les larmes de je sais pas quoi. Non. C'est. Mais. C'est... Ah, c'est celui que tu m'as donné. Le turbo délicieux. Oh, bravo. Allez. Mais non, mais c'était. Alors là, j'ai résumé fort. Ouais. Moto, coca. Parce que là, tu résumes rien du tout. Il reste une question. J'ai dit égalité, ça, c'était la dernière. Égalité. Allez. Oui, mesdames et messieurs, c'est la remontée fantastique. Il va y avoir égalité si tu réponds bon. C'est la remontée fantastique. Non, il y a donc. Il y a égalité, 6, 4. Ah, quoi, pour moi, oui. Pour eux. C'est pour nous. Et pour eux, évidemment. Bon, calmez-vous, les meufs, vous êtes deux, je suis tout seul. Hein. En vrai, il y a 8, 4. On est deux. Elle aussi, hein. Elle galère, et pourtant. Hein. Faites alors, pas les malinoises. Alors, c'est parti pour le blind test musical. La remontée fantastique des Bilka, mesdames et messieurs. Non, allez, s'il vous plaît, concentrez-vous. Vas-y. Un peu d'attention. Je suis chaud comme la braise. Mais nous allons commencer donc ce. Blind test par blind test, quelque blind chose. Test, blind test, attends, laisse. Du coup, il faut me laisser gérer le son, s'il vous plaît. Merci de me. Alors, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt depuis que je suis né. Et c'est parti. J'ai une question. Est-ce que c'est de tous les titres qu'on vient de faire? Le logo DreamWorks. Chut, concentre-toi! Princesse Mononoke. Non. Mais attends, elle répond au pif. Bah oui. Château ambulant. On a le droit qu'à deux. Ah, il faut lever la main d'abord. Ah, ok. Nausicaa, la vallée du vent. Non, t'as plus le droit de répondre. Quoi? Je rigole. Juste qu'est-ce qu'il répond un truc. Ah oui, voilà. Ah, oh, putain. Moi, oula, ça saturé. Moi. Oui, mon agent Totoro. Bravo. Ouais. Putain, il a essayé. Tu viens de péter les prédicateurs. Oui. Pardon, je suis désolé. Totoro, pour le. La mort était près de nous. My neighbor. Et là, il y a égalité, là. Ah, Julien a raison. Non, il n'y a pas égalité, tu sais pas compter. Non, mais j'essaie d'endormir des points. C'est ça. Alors, nous allons passer. Quelle droiture. À la. Nous allons passer à la prochaine musique. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui, toujours. Oui, Kiki. Vas-y. Kiki. Non. Ça... Ah merde, ah, putain. Oh, j'ai essayé. Ah, vous avez pas entendu le prochain. Tu as levé la main. Non, je grattais. Je grattais ma tête. Il voulait dire Kiki aussi, j'en suis sûr. Ok. Premier sur la falaise. Bravo. Mais je savais pas si on avait le droit de répondre. Ah merde, je savais pas si on avait le droit de répondre. Tu me saisis tellement que j'ai quitté mon fichier. Enfin, faut que t'arrêtes de crier. Alors, si on a faux, on peut quand même répondre ou pas après. Petite anecdote, les films de Ghibli sont tellement ancrés dans la culture japonaise que la chanson que tu viens de mettre de Ponyo sur la falaise est devenue une comptine que tous les enfants de maternelle connaissent. Non, mais même mon voisin Totoro, c'est tout le monde connaît au Japon. Là. Non, mais la chanson de Ponyo comme ça et la chanson de Totoro aussi. Totoro, Totoro. Ces deux font vraiment partie de la culture japonaise. Même si des gosses qui n'ont jamais vu ces films, ils connaissent ces chansons. Allez, c'est parti. Arrête de parler, toi. Allez, nous allons enchaîner donc avec la troisième chanson. La cérémonie des Oscars. Ça applaudit. Le vent se lève. Moi, je pensais qu'il pleuvait, là. Non, mais alors, je prends cet extrait de Budokan 25 ans. Je vous expliquerai. D'accord. Le chef d'orchestre s'apprête. Ça va être très facile. C'est une vidéo. Le château ambulant? Non. Lève la main. Ah bon. Mais de toute façon, je vais dire toujours celui-là, tiens. Le château dans le ciel? Non. Oh merde, oh là là, non. Ah, c'est avec quoi? C'est quel animal? Vas-y. Stuart Little. Moi? Oui? Le royaume des chats? Non. Non, c'est pas un Ghibli, c'est pas français. Je crois. C'est un Ghibli. Le royaume des chats est un Ghibli? Non, mais là, le oui, enfin, voilà. La musique. Je sais que c'est un Ghibli. Princesse ou pas? Je vois pas. C'est pas princesse? Mais c'est un Ghibli? Oui. Est-ce que... C'est un film ou pas? Oui, c'est un film. Ok, d'accord. Non. Comme Coco? Non. Ça fait partie de ce... Porco Rosso? Bravo! Ouais. Mais c'est la chanson la plus connue de Porco Rosso! Ouais, mais j'ai pas vu Porco Rosso depuis des années, mon gars! Hein. Moi je préfère Le Temps des Cerises! de la meilleure chanson de Porco Rosso. La la la la, le temps des cerises, les mes rossignols seront tous en fête. Alors, un chant de la commune, un chant révolutionnaire. C'est parti, nouvelle chanson. Chanson numéro 4. Kiki ou pas? Oui, hey, Kiki. Ouais. Oh là, moi je, là, je les ai tellement écoutés, je les reconnais à la première note, c'est pas possible. J'ai envie de répondre à votre place. Alors, ok. Ouais, c'est ça. On... J'essaye d'augmenter un petit peu la difficulté aussi, hein, donc. Mais c'est dur déjà. Oh, mais c'est dur. Allez, trop bien cette musique. On a pas précisé que toutes les musiques pratiquement du studio. Joe Hisaishi. Voilà, ont été composées par Joe Hisaishi. Allez, c'est parti. Les ciné-concerts. C'est une musique numéro 5. Ah, le château. Moi, mon voisin, le château. Le château ambulant. Bah, non, pas le droit à deux réponses. Allez hop. Je l'ai pas compté parce que t'avais pas levé la main. Ensuite, t'as la honte. Écoutez deux secondes. T'es couillon parce qu'en plus, elle a dit la réponse. La honte parce que j'adore ce film. C'est très très beau. Tandis que Joe Hisaishi joue son piano. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien. Et là, ça en part. Il y a combien au score? J'aime comme on a parlé. Oui, les Ghibli, ça nous apprend la paix, l'amour et tout. Il y a combien au score? Oui, mais ça nous apprend aussi à nous dépasser au quotidien. Oui, puis la nature, on est tous là autour d'ordi et de micro. Ouais. Allez, c'est parti, nouveau film. Nausicaa et la vallée du vent. Bah bravo. Voilà, c'est gratuit. C'était bien ça, bravo. Eh ouais les gars. L'écart se resserre. Y'a combien? Je vais pas te le dire. Mais vas-y, dis. Bon, il y a 8 à 6. Mais non, pour elle. Oui. Vas-y. Mais bien sûr. Allez, 7ème chanson. Égalise. Attends, merde, le time code. C'est 1-26 pour les auditeurs. Là. La, c'est beau ce moment, c'est quand il l'a. Voilà. Applaudissements. Il l'a. Ta gueule. Ouais, ok, je me ferme ma gueule. Allez. Merci. C'était facile de répondre à celle-là. Merci. Oh, merci à vous êtes magnifiques. Attention. C'est pas si facile que ça. Bon, s'il veut bien, hein. En fait, c'est dur. Le voyage de Chihiro. Bon. Allez, les gars. Oh là là. Ouh là là. Eh ouais. Ça va, on fait pas ça à chaque fois qu'on gagne. Tu kiffes, hein. Eh Booba. Oui, mais je suis seul contre tous, bordel, c'est pour ça. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Mais t'es seul contre... T'es avec Abe contre nous, enfin. Oui, mais Abe, c'est sa présence qui m'inspire. Voilà, tu vois, exactement. Tu fais ça pas avec lui, pour lui. C'est ça, je fais ça pour je toi. Je suis concentré et... avec. Autre monde. Chanson, c'est parti. Oui. La colline au coquelicot. Non. Merde. J'ai envie de dire le vent se lève. Oui, voilà, oui. Ouais. Olé. Yes. Non, mais y a pas de pitié là. Yes. Vengeance pour tous les couilles et tous les bugs. Ah, je peux pas laisser cette chanson sinon je vais pleurer. Mais réellement, je pleure moi quand j'écoute cette chanson. Ah là, les violons qui viennent. J'ai quand même réussi mais à c'est deviner. Physique. Moi je pleure intérieurement. Il y a c'est tout beau. Ces yeux sont en train de rougir, on confirme. Ah non, mais vraiment, moi ça me. Ah, oh, ah mais c'est beau, il sait vraiment raconter des histoires. Surtout que. Enfin. J'adore l'aviation, ma famille adore l'aviation, c'est un thème qui nous a tellement touchés. Allez, suivant, c'est là on veut. Oh, c'est vrai que ça nous apprenait la tolérance. Jonas, tes émotions sont légitimes, mais s'il te plaît. Attends, elle veut gagner. Alors, mon petit time code, je vous mets le prochain, c'est parti. Attention, mets le son DJ. C'est parti. Pardon. Voilà. Merci, merci. Allez, allez. Attention. Moi. Mohamed. Ne suis qu'un. Non. Non, tu l'as déjà dit. Oui, mais je sais pas ça. Moins un. Ouais, oh. Mais. Ah, pardon, vas-y. Non, non, Vilka. La Queen Coquelicot. Non, mais arrête avec ce truc. Non, mais ça fait très. Mononoke. Non. Mononoke. Oui. Le vent se lève. Le château dans le ciel. Bravo. C'est la chanson de fin. Mais il fallait dire qu'il y a des non, répites de fin. Non, c'est films, la chanson contre. De début. Non, mais si, quand elle tombe du ciel avec son... C'est la chanson de début, mon cher ami. Je confonds. Mais si, elle n'y est pas à la fin encore. Eh ben, peut-être, mais chanter, mais c'est... Non, non, il me semble que pas. Non, mais celle-là aussi, elle me fait chialer belle. Comme très, une très belle. Merde. Le générique. Ah non, mais cette reprise, donc, dans les 25 ans de Studio Ghibli à la scène Budokan, elle me fait mais chialer ma race, les poils sur partout. Et c'est beaucoup plus beau que dans la version du film où ça passe complètement inaperçu. C'est dommage pour une si belle chanson. C'est parti pour la dernière question, la plus importante de votre vie. Ah. En ASMR. On va répondre en ASMR. Allez, c'est parti. C'est triste. Oui, c'est triste. Je sais pas, j'ai envie de dire le tombeau des Lucioles. Non. C'est triste. Non, c'est différent. Porco Rosso ? Non. Vous avez remarqué que j'ai pas mis les mêmes films d'affilée. Oui, oui. Non, mais je sais pas, ça fait. Le vent se couche. Ah, je sais, les mignons. La colline au coquelicot ? Enfin ! Mais non ! Chut, tu veux, putain. Bordel ! Le tombeau des Lucioles. Non. On l'a dit en on l'a plus. Dit déjà. Ah, non, mais d'accord, c'est triste, hein. Enfin, c'est mélancolique. Il y en a un, je sais pas le, c'est vraiment pas le mood du film, je pense. Princesse. Les contes de Terre-Mère. Non. J'adore ce film, les contes de Terre-Mère, ça m'a fait rendre compte que la mort, c'est pas une musique de fin. C'est pas la musique non, de fin du film. Ah. J'ai une image, mais j'arrive pas à la. Oh. Du coup, je tue des gens et puis j'écoute cette musique. Ah. Eh mais t'arrêtes un peu panda, là. Petit panda. C'est une série ça. Ouais, c'est pas un film. C'est juste un long métrage, je crois. Non, c'est une série. Je peux tester okay, Château Ambulant. Non, déjà merde, pas. Merde, merde, mais je. Allez, attendez, là ouais, je pleure. Apparemment, on n'a pas. Ça me dit vraiment un truc. Oui, oui, c'est merci. Horrible, c'est terrible. Je veux une question de Joker, genre, est-ce que c'est sur l'un des films qu'on a cité pendant le quiz des résumés foireux? Ouais. Oui, je pense que oui. Jonas vit son moment. Putain, hey, aide-moi. Si on gagne, on a égalité. Pas du tout. Jonas, est-ce qu'on a déjà cité ce film auparavant dans le quiz? Enfin, est-ce qu'il était dedans? Allez, c'est facile, là. Je vais pas vous aider. Bah, non, non, ça me dit quelque chose, là. Arrietty. Non. J'ai pensé, mais c'est pas le bon mood. La musique de fin, c'est elle chantée par Pomme et voilà. Avec cerise et abricot. Putain, c'est dur. Oh, putain. Chantée par Pomme, t'as dit pardon. Qu'est-ce qu'on loupe, là? Qu'est-ce qu'il veut? Tous mes amis. Pomme machin là. Pomme je sais pas quoi qu'il a dit. Nausicaa. Non. Pomme Poco, mais non. Eh ouais. Pas. C'est déjà passé, Nausicaa. Oui, mais peut-être que je l'ai fait en donc deux c'est, fois. C'est un Ghibli qu'on a pas cité. Pomme Poco. C'est ce que j'ai. Mais non, mais pas cité dans le blind test. Mais c'est la question qu'on a demandé en fait, s'il avait été cité dans le. Mais je vais pas vous aider. Kaguya, les contes d'apprentis Kaguya. Oh, ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Ghibli? Le studio. Mais arrête de regarder, c'est je pense la réponse. Non mais arrêtez et concentrez-vous sur moi deux secondes s'il vous plaît. C'est certainement la réponse la plus simple du studio Ghibli. Totoro. Ghibli. Marvel. J'allais dire ça. Ghibli. Et mais quand vous allez le château dans le ciel. Chihiro. Bon. Mononoke. Bravo. Mais voilà. J'ai dit Mononoke. Yes. Ouais non. Mais je l'ai dit avant. J'ai pas non dit tu l'as pas dit. Merde. Tu l'as pas dit Mononoke. Eh bien, la vache. Okay. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Sur cette musique épique, où la nature renaît de ses cendres après la guerre. Oui. Eh bien, Bilka a été défait. Ah, Vorace. Une victoire. Ah, Vorace. Contre le monstre. Attends, combien d'écart le score? Un point. Ah. Un point. Un point d'écart. Yes, yes, c'est la plus belle victoire de 2019. Non, c'est la seule que vous aurez. Sur cette musique, j'ai envie de pleurer. Je tiens à remercier l'Académie. J'étais seul contre toutes. Maman. Je tiens à préciser, j'ai juste reconnu les musiques des deux films que j'ai vus. Voilà. En plus. Moi, je pense que... Franchement, victoire personnelle. Julia, tu devrais dédier cette victoire à Didi parce que c'est magnifique. Ah non, mais clairement, enfin, genre, on l'aurait pas fait, quoi. On était une vraie équipe. Bâtarde, vous remettez le couteau. Mais voilà, c'est ça qu'on retient. C'est, et je pense que quelque part c'est la différence, oui. C'est que nous on a été une équipe. Oui. Eux ils ont utilisé le pouvoir de l'amitié. Exactement. On a joué avec l'esprit de Ghibli. Pardonne-moi mon frère, j'ai tout dit foiré à cause de moi. Non, c'est ma faute. Non, tu es pour rien. Tu as pour rien. Tu as tout fait. Tu as pour rien. Tu as rien dit, mais tu as pour rien. Tu as pour rien. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait la mère juive. Tu as pour rien. Bon, est-ce qu'on a le temps de se quitter avec une autre chanson, une dernière chanson de 3 minutes, Abe, ou il faut remballer tout? C'est l'heure. Eh bien, on va finir sur cette magnifique chanson. Mesdames et messieurs. J'allais vous passer une chanson de Claire à la fumée, mais on vous dit tous au revoir. Ah, on peut la mettre du coup. Mais là, et au revoir. Au revoir. Mais non, on se dit au revoir sur cette chanson. Bisous. On vous aime. Au mois prochain. Et manger 5 fruits et légumes par jour.